responsable. Donc, on me laisse pas comme ça travailler tout seul dans mon coin. Oui, c'est vrai qu'au bout de 15 ans, on commence à se connaître. Voilà, après, vous savez, je suis un journaliste objectif. Il se trouve qu'en plus, moi, j'ai une relation tout à fait particulière au monde musulman, puisque j'ai grandi au Liban, que j'ai vécu au Maroc, que j'ai beaucoup voyagé. Donc, j'ai eu l'occasion de voir un islam apaisé dans la plupart des pays du monde. Voilà, ce qui n'est pas l'islam politique. Donc, je regrette que cet islam-là soit dégradé ou ait une image dégradée dans mon pays. Ça va être quoi, la périodicité ? Tout dépendra des résultats. C'est pour ça que je suis ravi que vous m'accueillez à votre micro. Téléspectateurs, regardez cette émission parce qu'elle est passionnante. C'est le fruit de mois et de mois de travail d'enquête. Et encore une fois, c'est un travail d'équipe, bien évidemment. Donc, c'est une excellente émission ce soir. Alors, ce qui continuera pas, c'est son émission sur les animaux, parce que, comme il dit lui-même, quand je plonge avec les requins ou quand je plonge au milieu des crocodiles, ça fascine personne, hélas. Et on est bien obligé de constater que c'est vrai. Pourtant, c'était sympa. Écoutez, il a de l'humour. Merci beaucoup, Isabelle Morini-Bosque. On se retrouve dans un instant pour se dire au revoir et surtout accueillir Julien Courbet. Avec déjà plus de 30 tonnes de pesticides récoltés depuis plusieurs années, les magasins botaniques poursuivent leur engagement en faveur de la nature et des jardiniers. Rendez-vous vendredi et samedi prochain chez Botanique pour rapporter vos pesticides et découvrir les solutions pour jardiner au naturel. En plus, vous profiterez d'un bon d'achat de 5 euros. Condition au magasin Botanique, la jardinerie naturelle. RTL Matin. Laissez-vous tenter. Être malade, ça tombe toujours mal, surtout lorsqu'on n'a pas trop les moyens. Heureusement, quand votre budget est en mauvaise santé, l'ACS peut vous aider. Avec l'ACS, vous n'avez pas d'avance de frais chez les professionnels de santé, ni de dépassement d'honoraires chez le médecin. Vous êtes aussi aidé pour payer une mutuelle ou une complémentaire santé, et vous bénéficiez de tarifs avantageux pour l'électricité et le gaz. Comme ça, vous êtes soigné, et votre budget aussi va mieux. Renseignez-vous sur l'ACS au 0800 971 391, service et appel gratuit, ou sur amélie.fr. L'assurance maladie. Volet portail. Choisir une fenêtre comme il faut, c'est bénéficier d'un conseiller comme il faut, d'une visite à domicile comme il faut et d'une pose de qualité certifiée comme il faut. Et c'est aussi vrai pour les portes, portails, portes de garage, volets, stores et pergolas. Retrouvez vos 700 conseillers comme il faut sur commeilfaut.fr. Portes et fenêtres comme il faut. Et si les pros communiquaient sans compter à travers toute l'Europe? Moi, avec Orange, j'ai les SMS et MMS illimités en France. Et moi, avec Orange, j'ai les appels illimités en France et en Europe pour joindre mes clients. Et ben moi, avec Orange, j'ai 25 gigas d'internet mobile dans toute l'Europe. Il serait peut-être temps que tu prennes des cours d'anglais. Avec les forfaits mobiles Performance Pro et Open Pro d'Orange, communiquez avec vos clients sans compter en France et dans toute l'Europe. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Valable sur certaines offres, conditions et tarifs sur orangepro.fr. On en parle. Les conseillers des points rénovation infoservice, mis en place par les pouvoirs publics, peuvent vous aider pour vos projets de rénovation énergétique. On en parle dans un instant. Beauty Success. Je smile, tu smiles, elle smile, nous, Beauty Success. Ce sont les 21 jours smile dans les parfumeries Beauty Success. Les 21 jours smile, c'est le plein d'énergie, de boost, de bonheur. Et chaque jour, une belle offre beauté à découvrir pour cultiver votre joie de vivre. Jusqu'au 2 octobre, profitez de moins 25% sur votre produit préféré. Moins 25% sur notre produit préféré. On garde le smile avec Beauty Success. Beauty Success, adoptez la beautiful attitude. Voir conditions en point de vente. Le mois Carrefour. Hey maman, c'est la dernière ligne droite pour les deals du jour du mois Carrefour. Oui, je sais, et il y en a encore un nouveau demain. Il est complètement renversant. Pour l'achat d'un jeu FIFA 2017, tu reçois 5 euros en bon d'achat. Accroche-toi bien, ça accélère. Pendant le mois Carrefour, les deals du jour, c'est tous les jours une offre renversante. Demain dans vos hypermarchés Carrefour, pour l'achat d'un jeu FIFA 2017, recevez 5 euros en bon d'achat. Bon d'achat valable du 3 au 16 octobre, voire conditions et magasins participants sur carrefour.fr. Carrefour. Bonjour, c'est Bernard de la Villardière. Dans Dossier Tabou sur M6, j'enquête pour vous sur la place de l'islam en France. Qui sont ces dirigeants? Que veulent-ils vraiment? Dans Dossier Tabou, je vais sur le terrain pour trouver des réponses aux questions que vous vous posez. Dossier Tabou, Islam en France, la République en échec, présenté par Bernard de la Villardière, ce soir à 21h sur M6. M6. Merci à toute l'équipe et grand bonjour à Julien Courbet. Mais pourquoi vous ne faites pas faire les pubs en direct à Bernard de la Villardière ? Oui, ce serait une très bonne idée. Quitte à les passer. Pas. Et s'il est là, faites-lui faire en direct, on gagnera du temps. Dossier tabou. Bon, et c'était avec Julien Courbet. Vos arnaques là, tout au long de la matinée. Oui, ah, ça vous a plu ? Ah, j'ai adoré. Et vous savez, je vais vous en raconter deux, mais qui sont connus, mais qui sont quand même. Il y a du génie. Allez-y. Celui qui dit envoyez-moi un euro et je vous expliquerai comment devenir millionnaire. Vous savez que ça existait, ça ? Oui. Et voilà. Et donc les gens, comme c'était qu'un euro, se disent je vais l'envoyer, je vais pas perdre grand-chose. Et effectivement, le monsieur renvoyait un papier en disant faites comme moi. Donc c'est celle-là, moi, qui est une de mes préférées. Elle est très bien. Et la deuxième, c'est celui qui disait pour avoir un sexe plus gros, envoyez-moi 20 euros. Je vous assure qu'il y a des milliers de gens qui l'ont fait et il recevait une loupe. Et je vous assure que c'est vrai. On l'a fait. Que c'est drôle, c'est merveilleux. Et moi, je dis qu'ils ont du génie, ces gens-là, parce qu'on peut pas les attaquer en plus. Non, c'est trop drôle. Pas, hein. Faut que vous nous fassiez un best-of. Ah oui, on va faire ça. Bonne journée. Ciao. Bonne journée à vous. Ciao. 9h32, mesdames et messieurs, RTL est la radio qui vous aide tous les matins entre 9h30 et 11h, mais avec le sourire. Une situation d'urgence est celle de Manuel. Manuel, ça fait la quatrième fois, je crois, que nous en parlons sur l'antenne d'RTL. C'est ce monsieur qui a 90 ans, qui est dialysé trois fois par semaine, à qui on a coupé l'eau et l'électricité. On s'est aperçu hier ou avant-hier que, contrairement aux promesses qui avaient été tenues, rien n'avait bougé. Donc on a décidé de taper un grand coup. On va le faire ce matin, tout de suite, parce qu'il faut vraiment aider ce monsieur. Voici l'équipe qui m'accompagne. Il y a, oh là, heureusement qu'elle est là, la spécialiste divorce pénal à Paris, à Anguin, Maître Noakovic. Bonjour Julien, bonjour à tous. Bonjour Sylvie, il y a la Divina, Maître Felloneau qui est là. Bonjour Julien, bonjour à tous. La négociation sera assurée par Bernard Sabat. Bonjour Julien, bonjour à tous. Vous êtes sur la radio numéro 1, elle s'appelle RTL. Allez, Maître Felloneau, résumé des épisodes précédents, le cas de Manuel, pour ceux qui ne le connaissent pas, de temps en temps, il y a des cas d'urgence dans le 9h30-11h RTL. Tout a démarré avec un petit message que Manuel nous a laissé. C'est un appel d'urgence. Je suis sous dialyse 3 jours par semaine et depuis le 12 août, on m'a coupé l'électricité et le gaz. De plus, je ne reçois plus mes repas journaliers. Alors, il y a plusieurs intervenants dans ce dossier. Ceux qui ont coupé l'eau et le gaz. Il y a aussi, et vous allez faire un petit peu la lumière là-dessus, un centre d'aide sociale qui gère un peu l'argent de ce monsieur, parce qu'il y aurait une petite dette. Dites-nous tout. Alors, effectivement, nous avons été appelés, je le rappelle, par le médecin traitant de Manuel, qui a effectivement des problèmes de santé graves et qui n'iront pas en s'améliorant depuis le 12 août où il est privé de l'eau. Pas de l'eau, mais du gaz et l'électricité, c'est-à-dire qu'il n'a plus d'eau chaude non plus. Les repas étaient servis par le CCAS, vous savez, dans toutes les mairies, Julien, il y a un centre d'action sociale et qui s'occupe de ses concitoyens et effectivement qui aussi livre des repas, qui livre aussi, vous savez, des petits bips pour la protection quand vous tombez, vous pouvez déclencher un centre d'appel avec des gens qui viennent ensuite vous chercher, vous amener à l'hôpital, etc. Donc ce centre d'action sociale est très important et a essayé de négocier avec ces organismes d'électricité et de gaz une remise pour l'aider à le payer. Ça ne marche pas, Julien, depuis le 12 août et malgré nos interventions, les promesses qu'on nous a faites, rien ne se passe. Hier, nous avons appelé le centre d'intervention et Sarah, il faut dire les choses comme elles sont, ils nous disent on ne vous parle pas. Voilà, ce sont les ordres, Julien, c'est bien ça, ils ont l'interdiction. On a les ordres, écoutons, c'est vrai, on a les ordres, monsieur Courbet, on ne vous parlera pas. On a bien entendu, vu que je l'avais enregistré, comme quoi ils ont l'ordre de ne pas discuter avec quiconque de l'équipe de Julien Courbet. Et donc hier, nous avons décidé de nous tourner dans ces cas-là vers Dieu. Qui est Dieu? Eh bien, c'est le maire des Lilas. Nous avons essayé d'appeler monsieur Daniel Guiraud pour qu'il nous aide, parce que lui seul peut maintenant débloquer la situation. Où en est-on, Sarah? Nous en sommes nulle part, Julien, je suis très en colère, là je commence vraiment à en avoir marre. C'est-à-dire qu'hier, moi je les ai rappelés deux fois, je leur ai rappelé qu'on parlait d'un monsieur de 86 ans, vous l'avez bien résumé, Maître Felloneau, qui vit dans des conditions atroces, qui est dialysé, donc là à un moment donné, il faut se réveiller. Alors, il faut savoir que les différents organismes veulent remettre les choses en place. Il faut pour cela mettre en place un échéancier. Alors apparemment, le centre social serait en train de prendre en charge le dossier. Mais étant donné qu'on n'a aucune information, on ne sait pas quand est-ce que tout ça va être remis en état. Mais le souci, c'est que notre auditeur, à l'heure actuelle, n'a ni chauffage, ni électricité. Donc là, vraiment, je suis en colère. Les repas, je ne sais pas s'il les a toujours ou s'il les a pas. Ils n'ont même pas voulu m'en parler de ça. Donc je n'en sais rien. Donc un médecin appelle en disant aidez-nous, c'est que c'est vraiment la situation. Eh bien écoutez, nous allons donc appeler tout le monde. C'est reparti. Nous lançons d'abord la mairie parce que j'aimerais bien avoir l'explication du maire. Maître Noakovic va intervenir dans une seconde, puisque c'est lui qui gère ce centre d'action sociale. Et encore une fois, on est juste là pour dire, mettons-nous tout une table et puis on va trouver la solution. Et s'il faut faire un appel à la solidarité, on le fera, mais donnez-nous donnez-nous. Oui, bonjour madame. Julien Courbet à l'appareil, nous sommes en direct sur la radio RTL. Est-ce que je pourrais avoir le cabinet du maire, s'il vous plaît? Non, ça va pas être possible, monsieur. Ah bon? Ah, il n'y a personne, oui. Bien. Non. Alors, est-ce que je peux avoir quelqu'un à l'action sociale? Comment s'appelle exactement le CCAS, s'il vous plaît. Paul CCAS. Senior. Oui, bien sûr. Paul Senior. Alors, Paul Senior. Oui. Paul Senior, hein. À l'instant. Merci. Donc, il n'y a personne à la mairie des Lilles, là, pour l'instant. Mais bon, ils sont peut-être des réunions. On va essayer d'avoir monsieur Daniel Guiraud. D'ailleurs, s'il nous écoute, vous êtes un proche de la famille, un ami, prévenez-le. Ça serait bien qu'on essaie de régler ce problème. Ce matin, on en a fait un cas d'urgence. Vous vouliez dire, maître Novakovic? Rien? Non, en fait, simplement de dire que humainement, je trouve ça scandaleux. Donc, c'est mal nous connaître, on n'abandonnera pas. Tant que ce monsieur n'aura pas d'électricité, n'aura pas de quoi manger, n'aura pas de quoi vivre, eh bien, nous ne lâcherons pas. Allô? Oui, bonjour. Oui, je suis au CCAS? Oui, tout à fait. Paul Senior? Non, pas du tout. Ah, j'avais demandé le Paul Senior. Je suis à quel pôle? Écoutez, je vais vous donner le numéro de téléphone. Oui, d'accord, on va le prendre vous en antenne. Merci. Oui, je le prends tout de suite. Marie, vous prenez le Paul Senior. On a un autre numéro, on va le faire directement. Donc, Daniel Guiraud, et puis aussi du côté de Engie, hein, ça serait bien que Gérard Mestrallet, le président du conseil d'administration, nous montre que de temps en temps, dans des situations d'urgence, on arrive à faire quelque chose. Donc, nous allons rappeler, si vous le voulez bien, Engie. Engie, mets-moi l'eau, s'il te plaît. C'est pas l'eau d'ailleurs, non, c'est le gaz. On se tue à dire que c'est de l'eau, mais c'est le gaz. Et vous allez, vous, Bernard, c'est pareil. De votre côté, appeler EDF. Parce que quel est le dernier dialogue que nous avons eu avec EDF et Engie? Extrêmement positif, Julien. Ils sont vraiment en attente du CCAS. Eux, ils veulent tout remettre en place. Mais pour tout remettre en place, il faut quand même un début d'échange. Non. Ils veulent qu'on leur donne un peu de sous. Alors, nous, on leur demande de leur remettre un peu d'électricité. Ça va, quoi. Je pense que. Et l'échéance y arrivera après. Donc, on rappelle tout le monde. Vous restez avec nous sur l'antenne d'RTL. Et vous allez voir que nous ne lâcherons rien. Parce que là, franchement, on ne peut pas passer à autre chose. Je suis désolé. On a déjà acheté le CCAS, mais je ne peux pas. Moi, passer à autre chose alors que ce monsieur n'a toujours rien. Il doit être en dialyse en plus, il nous écoute ce matin, Manuel. Vous êtes sur RTL, à tout de suite. On va prendre Manuel juste après. Des idées de génie. Bonjour, c'est Benjamin Castaldi. Étonnant, pour les 35 ans de Jiffy, Jiffy nous fait gagner 35 millions d'euros. Oui, oui, 35 millions d'euros à gagner. C'est simple, c'est gratuit, tu joues, tu gagnes et surtout, n'oubliez pas de me remercier. Jiffy des idées de génie. Jouez en téléchargeant l'appli Bravo Loto, 100% gratuite. Voir règlement sur jiffy.fr. Vous êtes artisan ou conjoint d'artisan? Du 1er au 14 octobre, vous élirez vos représentants à la Chambre de métiers et de l'artisanat. Votez pour les candidats de l'UPA. Ils défendront à 100% les intérêts de votre entreprise. Retrouvez-nous sur upa.fr. L'artisanat, c'est nous. Votez UPA. Au fait, chérie, j'ai raflé la portière de ta voiture. Quoi? Mais... Ah, sinon, goûte-moi cette nouvelle tablette pure origine Équateur de chez Réauté Chocolat. Après tout, c'est qu'une portière, hein? Découvrez-vous aussi l'effet Réauté Chocolat avec une nouvelle gamme de tablettes à partir de 2,95€. Réauté Chocolat, fabricant chocolatier. Pour votre santé, bougez plus. Un pour tous pour l'anniversaire Intermarché! Et oui, c'est parti pour 4 semaines! Pour l'achat d'un filet de pommes de terre de consommation Mon Marché Plaisir à 2,49€, le deuxième filet est 100% remboursé sur votre carte de fidélité. Mais c'est seulement jusqu'à demain! C'est ça l'anniversaire Intermarché! Intermarché, tous unis contre la vie chère! Origine France, catégorie 1, calibre 50-70. Filet de 5 kg, soit 50 centimes le kilo. Modalité magasin participant sur intermarché.com. Avec Comme J'aime, j'ai perdu 12 kilos en 3 mois. Le déclic, c'est ma maman en fait qui a démarré le régime Comme J'aime. Ma maman a perdu 10 kilos. Ce qui m'a plu, c'est que donc les plats déjà sont tout prêts. J'ai plus qu'à le mettre au micro-ondes et en 2 minutes, je peux manger. De plus, on mange de tout. Vous aussi perdez vos kilos avec Comme J'aime. Profitez d'une réduction immédiate de 45%. 0800 507 507. 0800 507 507. Conditions de l'offre par téléphone, appel gratuit depuis un fixe. Être malade, ça tombe toujours mal, surtout lorsqu'on n'a pas trop les moyens. Heureusement, quand votre budget est en mauvaise santé, l'ACS peut vous aider. Avec l'ACS, vous n'avez pas d'avance de frais chez les professionnels de santé, ni de dépassement d'honoraires chez le médecin. Vous êtes aussi aidé pour payer une mutuelle ou une complémentaire santé, et vous bénéficiez de tarifs avantageux pour l'électricité et le gaz. Comme ça, vous êtes soigné, et votre budget aussi va mieux. Renseignez-vous sur l'ACS au 0800 971 391, service et appel gratuit, ou sur amélie.fr. L'assurance maladie. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Alors Marie, vous avez en ligne toujours la mairie en ce qui concerne notre manuel. Que se passe-t-il ? À l'antenne. Écoutez Julien, j'ai le pôle social en ligne, une charmante dame donc qui ne veut absolument pas prendre l'antenne. Avec ironie, elle me dit si Julien Courbet veut sauver Monsieur Mascarel, bah qu'il le fasse. Nous, on ne fera rien avec vous. Vous êtes journaliste, ça ne nous intéresse pas, on ne s'exprimera pas à l'antenne. La ville ne fera rien. La discussion s'arrête là. D'accord. Bah, c'est ce que dit cette dame, c'est son droit le plus absolu. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir la version de Daniel Guiraud, le maire, savoir comment il fait avec ses administrés quand ils sont dans cette situation. Donc, monsieur Daniel Guiraud, vous êtes le bienvenu. Apparemment, nous avons eu une dame du CCAS qui nous dit nous ne ferons rien pour lui, la mairie, en tout cas. De toute façon, Julien, en plus, ce qui n'est pas normal, on dit juste on veut aider monsieur Manuel, qui a vraiment des soucis, qui a 86 ans, et derrière, on a quelqu'un qui nous parle sur un ton avec ironie, comme si vraiment on était là pour faire le show. Elle ne s'est pas présentée, évidemment, cette dame. Non, elle ne s'est pas présentée, évidemment. Elle ne s'est pas présentée. Mais rappelons-la, tiens, pour essayer de voir et d'apaiser les choses, en tant que négociateur, nous sommes là pour que les choses se passent bien. Donc, on va tomber sur elle, là ? Normalement, directement, oui. Bon, d'accord, on y va. Donc, elle a dû brancher la radio, et peut-être qu'elle ne répondra pas. Nous allons voir. Ensuite, il y aura les appels à l'EDF et au gaz. Oh, moi, je suis sûr que... Mais maintenant, elle ne répond plus. Alors, évidemment, j'ai le beau rôle. C'est très courageux de sa part. Mais non, c'est pas ça. C'est surtout très embêtant pour tous ceux qui ont des problèmes et qui vont se chercher à l'appeler ce matin. Parce que là, elle s'est dit, maintenant, on ne répond plus. Bon, Mairie des Lilas, nous sommes au service d'action sociale. Allô ? Bonjour, madame. Voilà. Il est des nôtres, la mairie des Lilas lui a raccroché au nez comme des autres. Bon, formidable. Écoutez, c'est formidable. Monsieur Daniel Guiraud, si ça serait vraiment bien que vous nous parliez, monsieur le maire, pour nous dire un petit peu comment ça se passe dans votre mairie. Dans une seconde, Bernard Sabat, vous me préparez l'électricité et le gaz. Je suis avec eux justement en ligne, j'essaie d'avancer sur le dossier, alors, Julien. Ce que je veux, moi, c'est que les négociations aient lieu sur l'antenne, c'est que vous me trouviez un bon interlocuteur. Je fais le maximum, Julien. Allez, dès que vous l'avez, ça sera la petite alerte que vous connaissez bien. Permettez-moi de vous dire qu'il y a, là, comme il y avait une situation d'urgence, j'ai décalé un peu l'annonce. Encore une fois, grâce à tonton Georges, un MacBook Pro a gagné. Vous m'avez entendu, un MacBook Pro a gagné. Pour cela, vous faites 3210, touche numéro 2. Ça, c'est pour arriver sur le standard jeu. Et après, il faut taper 1 ou 2 selon la réponse. Qui est cette actrice née un 28 septembre, vue dans le mépris et militante de la cause animale, Brigitte Bardot ou Béatrice Dalle ? Alors là, je suis très étonné qu'il n'y ait pas une question cucu la praline aujourd'hui. Si on se met à faire des questions intelligentes, les gens vont se perdre. Donc 3210, touche numéro 2, puis après, touche numéro 1. Je n'ai pas le droit de vous donner d'indice. RTL 74900, c'est pour le SMS. Écoutez-moi ça, j'adore. Ça, j'adore. Ça ressemble un peu à Solo Tout. C'est, bien sûr, vous les avez reconnus, LP. Oui, LP, comme disent les jeunes. Avec Lost on You sur RTL. 3210, quel que soit votre problème, nous sommes là pour vous aider. En espérant que vous allez passer un bon mercredi. Opération sauvetage pour ce monsieur. On ne va rien lâcher. On doit l'aider. Expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke on. Take a drink of Evelyn's and turn around. X-rays, oh. Poppy Lost on You sur RTL, c'est une jeune artiste américaine. Alors une alerte, puisque nous essayons d'avoir la mairie des Lilas où on nous raccroche au nez, hein, une mairie où on aimerait bien que l'on fasse, nous montre comment on règle les problèmes sociaux, mais pour l'instant, nous avons un autre dossier, c'est l'électricité et le gaz. Bernard Sabat, en direct sur RTL. Alors une information importante, le monsieur n'est pas à même de pouvoir parler, mais il m'a donné des informations claires et précises. EDF, c'est le groupe GDF, ce n'est pas Engie, ouais. Donc on n'est pas chez le bon interlocuteur. Un jour, il faudrait qu'on m'explique, mais voilà. Ça c'est ma faute, je ne me suis pas assez intéressé, je n'y comprends rien. Voilà, je ne sais séparés, plus qui voilà. Fait l'eau, qui fait l'électricité. Exactement, donc ils se sont séparés, et l'information que m'a donnée ce monsieur, qui est très intéressante, Julien, c'est qu'il existe un numéro de téléphone des services sociaux dans les mairies qui appellent directement Engie ou GDF. Ben oui. Et qui permet en fait de remettre l'électricité sans le moindre paiement pour gagner un petit peu de temps, en l'occurrence quand il y a une situation de gravité comme ça. Donc c'est bien le rôle de la mairie des Lilas d'agir, ouais, avec un numéro spécial. Ils l'ont et ils sont les seuls à l'avoir et à pouvoir déclencher. Tenter. Alors déjà, ils se sont séparés. Vous me dites, Engie s'est séparé de GDF. Donc d'accord. EDF devient GDF. Donc ça, c'est pour vous, maître Nakovic. Je vous quitte une spécialiste des divorces. Si vous pouviez voir comment vous pouvez, maintenant qu'ils sont séparés, essayer de les rabibocher. Mais nous allons tenter autre chose, mesdames et messieurs, car rien ne nous arrête quand il faut aider des gens en situation d'urgence. Nous allons appeler le ministère des Affaires Sociales. Je pense que c'est quand même lui qui est aussi concerné par cette histoire. Et nous allons voir où est la promesse électorale du maire, où est la promesse électorale du ministre, où est la promesse électorale du président et où est la réalité du terrain. C'est ça que nous allons faire dans quelques instants sur RTL à 9h48 en direct avec vous. À tout de suite. Comme il faut. Choisir une fenêtre comme il faut, c'est bénéficier d'un conseiller comme il faut, d'une visite à domicile comme il faut et d'une pose de qualité certifiée comme il faut. Et c'est aussi vrai pour les portes, portails, portes de garage, volets, stores et pergolas. Retrouvez vos 700 conseillers comme il faut sur commeilfaut.fr. Portes et fenêtres comme il faut. Éléonore vend un deux pièces vue sur les toits, lumineux, elle est en salle d'accouchement, elle crie. Ah! Sylvie cherche un deux pièces, vue sur les toits, lumineux, elle est en discothèque, elle crie. Si la vie ne peut pas vous aider à vous rencontrer, Orpi le fait. Orpi, plus de 100 000 rencontres immobilières réussies chaque année. Bonjour, c'est Bernard de la Villardière. Dans Dossier Tabou sur M6, j'enquête pour vous sur la place de l'islam en France. Qui sont ces dirigeants? Que veulent-ils vraiment? Dans Dossier Tabou, je vais sur le terrain pour trouver des réponses aux questions que vous vous posez. Dossier Tabou, Islam en France, la République en échec, présenté par Bernard de la Villardière, ce soir à 21h sur M6. Qui fait mieux que Conforama? Ce week-end, du 30 septembre au 2 octobre, Conforama vous offre 50 euros en bon d'achat par tranche, 300 euros d'achat sur tout le magasin. 50 euros offerts ce week-end! Et oui, ça nous fait plaisir de vous faire plaisir. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Bon d'achat valable sur le meuble et la déco, hors cuisine. Voir conditions sur Conforama.fr. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. Jean, alors, à 8h, tu poses un disjoncteur chez Monsieur Chauvet. À 9h10, tu files chez Monsieur Dubois. À 10h, tu vas chez Madame Lefort. À 11h, il faut que tu repartes chez Monsieur Leduc, que je viens d'avoir au téléphone. Avec EasyPack Pro, Renault vous simplifie la vie. Kangoo est à 129 euros par mois sans apport. Tout est inclus. Entretien, garantie, assistance. Loyer, taxe, crédit bail, maintenance 60 mois, 80 000 km pour Kangoo Express. Sous condition de reprise, réservé aux professionnels jusqu'au 30 septembre, si acceptation par Diakassa. Voir Renault.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, là c'est pas bon. Hein. Ah, pour Lidl ? Ah non, pour nous, ils lancent une gamme de produits bio, des œufs, de l'huile d'olive, du lait. Mais du coup, les prix c'est plein pot. Ah bah non, ça vaut vraiment le coup, hein. En ce moment par exemple, les yaourts bio saveur vanille sont à 99 centimes les 4 pots de 125 grammes. Moins 20 euros les 4. Ah oui, 99 centimes les 4 yaourts bio saveur vanille. Pas de pot, hein, c'est le vrai prix. Ah, on est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 1,98€ le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au mardi 4 octobre. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le point rapide, nous sommes en train d'essayer d'avoir quelqu'un à EDF et à GDF pour l'électricité et le gaz avec Bernard Sabat. La mairie des Lilas, on nous a raccroché au nez, pour l'instant aucune nouvelle, mais c'est bien normal, le temps que monsieur Daniel Guiraud de la mairie des Lilas soit au courant, eh bien nous attendons. Et là nous appelons le ministère des Affaires Sociales, parce que je pense qu'ils sont concernés par tout ceci. Il y aura une alerte bien sûr, dès que nous aurons un des interlocuteurs en ligne. J'enchaîne immédiatement immédiatement sur un dossier qui va vous intéresser, Maître Noakovitch, comme tous les dossiers d'ailleurs, je tiens à le dire. Écoutez ce que Guy a laissé sur le message, sur la messagerie RTL du 9h30-11h. J'ai fait construire un mur par un artisan. Ce mur commence à s'écrouler. Je l'ai dit, je l'ai écrit à l'artisan, mais il s'en moque. Comme j'ai plusieurs gros chiens, j'ai peur qu'il ne s'échappe et qu'il aille terroriser les villageois. Alors, nous avons Guy qui est en ligne. Guy, bonjour, soyez le bienvenu sur l'antenne d'RTL. Bonjour Julien. Alors Guy, vous vouliez faire construire un mur tout autour de votre propriété parce que vous avez des chiens, vous en avez combien ? 14. Pardon ? 14. Mais c'est un élevage ? Non, c'est pas un élevage. J'avais un restaurant et puis j'ai laissé mes chiens tout seuls et puis ils se sont arrangés tout seuls. Ah, ils se sont créés leur propre famille, leur écosystème tout seuls, quoi. Exactement. Au début, j'avais deux chiens, puis je m'en suis pas trop occupé. Je dois vous le dire. Enfin, c'est pas que je les nourrissais, monsieur Courbet. J'en avais quatre au départ. Je les surveillais pas trop, puis un jour, je me suis dit, ils montent beaucoup les uns sur les autres en ce moment, puis maintenant, on en a 14. Bon, mais tant mieux. Bon, alors, ils ont de la chance parce qu'ils ont, ils ont du terrain pour eux, pour s'amuser. Oui, il y a 2 hectares. Là. Bon. Ils peuvent s'amuser. Donc, il faut un mur. Et vous avez payé 17 000 euros pour faire construire ce mur par un artisan. Il y a 2 ans, le mur a commencé à s'écrouler. Donc 2 ans pour un mur, ça fait quand même pas long hein, pour s'écrouler. Non. C'est quand même... d'habitude, il s'écroule au bout de beaucoup plus de temps. Et il vous arrive de le croiser, l'artisan, il veut pas réparer. Non, je me suis arrêté, j'ai discuté avec lui, je lui ai demandé ce qu'il comptait faire. Moi, ce que je veux, c'est qu'on s'arrange et puis qu'on trouve une solution. Il m'a dit, bon, je vais venir. J'attends encore maintenant, donc ça fait 6-7 mois que ça dure, que je le vois, à chaque fois que je le vois sur un chantier, je lui pose la question, il me dit oui, je vais venir, alors, mais il ne fait jamais rien. Vous avez la possibilité d'aller le voir, vous, il n'est pas très loin de vous. Oui, je suis à 5 mètres de chez lui. Voilà, donc vous allez aller le voir dans une seconde, mais je voudrais l'analyse de Maître Noakovitch. Oui, Julien, sur le plan juridique, notre auditeur a parfaitement raison. Donc l'artisan est responsable donc, des défauts importants pouvant survenir dans les 10 ans effectivement des travaux qui suivent la réception du chantier. Ça s'appelle la garantie décennale. Donc ce monsieur est responsable, il doit impérativement effectuer les travaux. Il faut savoir que Guy a effectué une mise en demeure le 25 janvier 2016. Pour le mettre en demeure d'effectuer les travaux, il est de bonne foi, il ne menace pas de poursuite, il dit simplement « faites les travaux », mais il n'a pas de réaction. On y va, c'est parti Guy, vous partez avec votre téléphone à la main. Il va aller lui-même sonner chez l'artisan, comme ça sera plus pratique, on pourra se parler à trois, c'est une grande première sur RTL en direct dans le 9h30-11h, on n'est pas fou, on envoie les auditeurs prendre des baffes, nous on reste bien au chaud dans le studio. On sait bien qu'on l'a fait une ou deux fois, et maintenant on dit non, mais allez-y vous-même. Là, je sais, j'ai sonné, mais il n'y a rien qui bouge. Guy, on rappelle que vous ne voulez pas terroriser la population, même si les chiens sont gentils. Imaginez 14 chiens comme ça qui partiraient dans le village, tout le monde pourrait avoir peur. Surtout qu'il est responsable. C'est des gros chiens, c'est des chiens de 70 kilos. Hein. Ah oui, qu'est-ce que c'est comme chien ? Des canets corso. Ah, les canets corso, oui. C'est une sorte de labrador, mais très large. C'est un peu ça ? C'est un peu la... ça a la tête du labrador avec le corps du Rottweiler. Exactement. Ouais. Eh ouais, un peu comme Maître Noakovitch. Elle a le corps de... Ça fait 3 fois que je sonne, il n'y a rien qui bouge, j'ai vu le chien bouger. Ah. Alors mais ils ont un petit chien, un pincher, mais bon, il n'y a personne. Hein. Un pincher, lui, là, c'est pas un canet corso, le pincher. Là, c'est quand même les deux extrêmes. Le pincher, c'est un petit rat, hein, c'est ça. C'est pas le même gabarit. Bon, eh bien, appelons, c'est parti. Vous me faites le numéro. Vous restez près du téléphone. D'accord. 14 canets corso. Ah oui, j'ai la photo devant moi, ça fait peur. Ah mais ils sont super larges, c'est un super mastoc. Je vais vous dire, Julien, je suis un peu un fou furieux, parce que j'ai 14 canets corso, j'ai 2 chèvres, j'ai des oies, des ânes, un cheval. Bonjour, vous êtes sur le répondeur du... Tout ça dans le même terrain. Tout ça, oui. Bah, incroyable. Tout est aménagé. Hein. Ça change les bichons maltais. J'en profite pour dire qu'il va y avoir une spéciale animaux le 10 octobre dans CPVA. Vous avez un problème avec un animal, on vous a vendu un chien de race, on vous a menti, enfin bref, des problèmes, tous les problèmes avec les animaux, quels qu'ils soient. Vous pouvez nous envoyer votre cas sur cpva.animaux@gmail.com. Voilà, on vous la redonnera, elle est sur Facebook, l'adresse. Est-ce que ça sonne, s'il vous plaît, Marie, on y va. On sonne donc chez cet artisan pour ce mur qui tombe au bout de 2 ans. Qu'est-ce qui se passe ? Ça ne fonctionne pas le premier, Julien, on est tombé directement sur la messagerie. Le deuxième ne sonne pas du tout. Mais on est bien embêté là, mon Guy. Je vais essayer sur l'autre machine. Oui. On essaie sur une autre machine pour voir si ça vient pas de nous. Qu'est-ce qu'il pourrait faire ce monsieur aujourd'hui ? Il n'a pas une femme qui répond ? Je n'en sais foutrement rien. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu sur ces chantiers, mais il travaille beaucoup en Meuse, qui est à quelques kilomètres de chez nous, donc à une 20aine de kilomètres de chez nous. Et si je le vois pas passer, si je le vois pas partir avec la camionnette, je ne sais pas où il est. Donc là, il est parti avec la camionnette. Oui. Bon, on va essayer. Non, la camionnette est devant, chez lui. Donc, à mon avis, il est soit il est chez lui et il ne répond pas parce qu'il m'a reconnu. Ça, c'est tout à fait faisable. Alors, on va lui lancer un petit appel. Vous êtes sur le répondeur. On lui laisse un message. 06. C'est possible. Alors, on remonte. 23 63. Merci de laisser un message après le bip. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Bonjour, monsieur Daniel Eluy. Monsieur Daniel Eluy, H-E-2-L-U-Y. Merci de nous répondre. On essaie d'arranger une histoire de mur. Et comme vous êtes un professionnel, je ne doute pas une seconde que nous allons réussir à trouver une solution. Donc, il y a Guy Delay, votre voisin, chez qui vous avez fait le mur, qui aimerait que l'on puisse se parler à trois si on pouvait faire ça. Et vous allez voir qu'on va tout sortir grandi de cette affaire. Donc, monsieur de Décoration Tout Style, Daniel Eluy, merci de nous rappeler au numéro que je vous laisse. Marie, vous laissez le numéro. Guy, il y aura l'alerte. Vous savez, tout ça, ça se passe souvent entre 10h30 et 11h. S'il y a bien une demi-heure à écouter, c'est le 10h30-11h parce que c'est là que tous les cas trouvent solution. On va se retrouver dans quelques instants. On va voir si ça a répondu sur le cas d'urgence de Manuel. On attend que l'artisan nous réponde sur Guy. Et puis on va attaquer Marie-Christine. C'était hier. Voilà ce que nous a dit hier Marie-Christine. On n'a pas beaucoup de moyens. On a emprunté de l'argent à notre famille pour acheter une voiture. On vit à la campagne, on a 6 enfants à charge. Ce véhicule a commencé à tomber en panne au bout de 2 jours. Le vendeur ne veut rien savoir. C'est encore un cas d'urgence et nous avons peut-être une solution et vous n'allez pas la manquer. Vous allez écouter ça sur RTL et vous allez voir que vous allez être fiers de faire partie de la famille RTL. On en parle. Les pouvoirs publics ont développé un réseau de conseillers rénovation infoservices partout en France. Rémi Diouf, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez fait appel à ce service. Oui, ma femme et moi, on a une petite maison des années 50 en Isère. Mmh. Elle n'était pas très bien isolée. Alors, on a décidé de faire quelques travaux de rénovation pour que ce soit un peu plus confortable, surtout l'hiver. Et pourquoi avoir consulté un conseiller rénovation infoservices alors? On ne savait pas trop par où commencer. Je suis allé voir un conseiller. Il nous a bien aidé pour choisir les travaux à faire en priorité. Mmh. Isoler la toiture, les murs, choisir une bonne chaudière. Ouais. Il nous a aussi expliqué toutes les aides auxquelles on avait droit. Et pour nous, ça a été quand même moins 25% sur la facture. Ah oui, en effet. Mais alors, plus concrètement? Il faut d'abord trouver son conseiller rénovation infoservice le plus près de chez soi. Ils n'ont rien à vendre, hein. C'est un service gratuit et indépendant. Et j'ai trouvé toutes les infos sur rénovation infoservice. Eh bien, merci beaucoup Rémi. Contactez un conseiller rénovation infoservice près de chez vous sur rénovationinfoservice.gouv.fr ou 0808 800 700. Service gratuit plus prix de l'appel. Un service du ministère de l'Environnement et de l'Énergie et de l'ADEME. Jean, il y a quelqu'un dans le salon qui change les fenêtres avec une couronne sur la tête. C'est le roi de la fenêtre.fr, chérie. Hein? Tu choisis tes ouvertures sur le roi de la fenêtre.fr et il se déplace même pour les poser. D'accord, le roi de la fenêtre assure la pose et toi, tu fais une pose dans ton fauteuil. Royal, quoi. Jusqu'au 31 octobre, le vitrage à isolation phonique est offert et bénéficie de 30% de crédit d'impôt. Eh ouais. Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc. En ce moment, c'est l'opération super pouvoir d'achat avec les plus belles offres promotionnelles de tous les temps. Des réductions, du gratuit et du ticket Leclerc sur des centaines de produits. Le meilleur de toutes les plus belles promos Leclerc est là, réunis en même temps dans tous les rayons de tous les magasins Leclerc. Ah oui, quand même. Du 20 septembre au 29 octobre, les plus belles promos Leclerc sont toutes réunies chez Leclerc. Voir modalités dans les magasins participants. À l'attaque et vive les super pouvoirs d'achat. Va mon héros, va chez Leclerc. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Juste avant les infos, où en est-on Marie, s'il vous plaît, du côté du ministère des Affaires Sociales qui peut intervenir pour ce monsieur qui va avoir 90 ans, qui n'a pas l'électricité, qui n'a pas le gaz, ses repas apparemment il ne les reçoit plus non plus et qui se fait dialyser 3 fois par semaine. Écoutez Julien, ça fait 10 minutes que l'on recherche mon correspondant. Alors j'ai eu quelqu'un qui m'a dit on va trouver quelqu'un. Super. Et depuis on attend ce quelqu'un. Non mais ça c'est normal, voilà. On n'a pas prévenu donc c'est normal qu'il ne le trouve pas tout de suite, mais au moins vous avez un interlocuteur. Ça a l'air très grand le ministère. Bah oui, mais c'est grand, puis surtout beaucoup de responsabilités. Le cas solidarité numéro 2. Rappelez-vous, cette mère de famille qui nous appelle. J'ai 6 enfants, un mari handicapé. On est à 8 dans une Twingo. On en a acheté une à un particulier. Et juste après l'avoir achetée, il s'avère que la voiture est foutue. Il nous fallait une voiture. On va voir si on a pu avancer juste après les infos. Et il y aura une autre alerte puisque je ne suis pas sourd. Je viens d'entendre le petit bruit. Que se passe-t-il, Bernard? C'est pour le cas de Manuel avec le problème d'électricité. J'aurai du nouveau après les infos, Julien. Eh bien, tout ceci arrive sur RTL en direct. What's the sense in sharing this one and only life? À toi. Ah, c'est à moi. Mais il est 10h alors, et une minute. L'information, c'est avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. La France desserre les cordons de sa bourse. En 2017, l'État va dépenser 7,4 milliards d'euros en plus par rapport à cette année pour financer notamment la lutte contre le terrorisme. Malgré cela, le déficit budgétaire de l'État devrait légèrement baisser. La loi de finances confirme l'arrivée du prélèvement à la source en 2018, une mesure historique selon Michel Sapin. Le ministre de l'Économie et des Finances critique ce matin les baisses d'impôts promises par la droite qualifiée d'irresponsable. Chez les Républicains, justement, Hervé Mariton crée la surprise ce matin. Il apporte son soutien à Alain Juppé dans la primaire de la droite, le maire de Bordeaux qui reprend la tête dans notre dernier sondage devant Nicolas Sarkozy au premier et au second tour de la primaire. La suite du procès des salariés et anciens salariés d'Air France au tribunal de Bobigny, deuxième journée dans l'affaire de la chemise arrachée. Au programme aujourd'hui, les plaidoiries et le réquisitoire du procureur. Les funérailles de Shimon Peres auront lieu vendredi en Israël. Le pape François devrait y assister, mais aussi François Hollande, Hillary et Bill Clinton. L'ancien président israélien, dernier survivant des pères fondateurs de l'État hébreu, il avait reçu le prix Nobel de la paix en 1994 après la signature des accords d'Oslo entre Israël et la Palestine. Shimon Peres est mort cette nuit à 93 ans après un accident vasculaire cérébral. Direction Alep en Syrie où les combats se poursuivent malgré les appels au calme de la communauté occidentale. L'armée syrienne progresse. Elle a repris le contrôle d'un quartier rebelle dans le centre d'Alep après des intenses bombardements et de nombreux morts. 5 arrestations liées à Daesh en Espagne, en Allemagne et en Belgique. Opération de police internationale contre une cellule de propagande en ligne. Les personnes interpellées contrôlaient une page Facebook suivie par plus de 30 000 internautes. Ils sont accusés d'incitation à commettre des attentats et de recrutement djihadiste. On passe au sport, le football avec à suivre ce soir la suite de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Les Parisiens se déplacent en Bulgarie pour affronter Ludogorets. Hier soir, Monaco a arraché le match nul 1-1 contre Leverkusen. Le club du Rocher reste en tête de son groupe. De son côté, Lyon perd son leadership après sa défaite. Faites 1-0 face à Séville. La bourse de Paris, elle a ouvert en hausse ce matin, plus 0,33%. La tendance se poursuit. Le CAC 40 à 4445 points. Votre météo pour ce mercredi, c'est plutôt une belle journée. Quelques nuages ce matin sur le nord-ouest. Ils vont s'éclaircir progressivement pour laisser place à du soleil sur tout le pays. Côté température, ça se réchauffe cet après-midi entre 19 et 29 degrés. 23 à Lille, 25 à Paris, 27 à Bastia, 29 à Montpellier. Les courses, elles ont lieu aujourd'hui au Mont-Saint-Michel, 18 partants, les pronostics de Bernard Glass, le 8, le 14, le 9, le 12, le 17, le 4, le 15, le 6 et la dernière minute, c'est le numéro 12, Topaz Jeff. Vous écoutez la première radio de France, merci de votre fidélité. RTL, il est 10h04, tout de suite, Julien Courbet, ça peut vous arriver. À tout à l'heure Alexandre, 11h pour d'autres infos, plein de choses à vous dire. Là, tout de suite, à ceux qui viennent de nous rejoindre à 10h, déjà vous dire qu'on est content que vous soyez là, qu'on vous aime, qu'on se bat, qu'on essaie de régler les problèmes. Ici, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de politique, il y a du concret. Et il y a aussi des bonnes règles d'or avec nos avocates. Il y a des cadeaux, je rappelle qu'il y a un MacBook Pro à gagner. Pour le gagner, c'est simple. Vous faites le 3210, touche numéro 2 pour arriver sur le standard jeu, puis touche numéro 1 pour donner la bonne réponse. Ça, j'aurais pas dû vous le dire, mais je vous le dis quand même. SMS, vous envoyez RTL au 74 900. Ça, c'est fait. Ensuite, il y a le point info, car nous avons lancé deux cas à 9h30 en direct dans le 9h30 11h. Le point sur tous les cas, c'est la minute info. Un cas que l'on suit depuis plus d'une semaine, car il y a plus d'une semaine, un médecin généraliste nous appelle en disant « J'ai un patient, c'est la galère, il n'y a que vous qui pouvez l'aider. Ce monsieur va pas tarder à avoir 90 ans, il est dialysé 3 fois par semaine, il a plus l'eau, il a plus le gaz, il a plus l'électricité, il a plus ses repas. » Alors on appelle tout le monde, on a appelé, puisqu'il doit y avoir un petit problème d'impayé, le centre social de la mairie des Lilas, où là on nous base, on nous raccroche au nez, on nous dit « RTL, on veut pas en entendre parler, si Courbet veut résoudre son problème, qu'il le fasse, mais ça sera sans nous. » On a interpellé monsieur Daniel Guiraud, le maire des Lilas, nous n'avons aucun retour de la mairie des Lilas. Marie. Toujours rien. Mairie des Lilas, soyez sympa, rappelez-nous. Allez. Là c'est le moment Bernard. C'est le café des délits, je crois que c'est le café des Lilas. Ah oui c'est ça, oui. On rattrape comme on peut. Mais il y a eu une alerte. Une alerte puisqu'on essaie d'avoir le ministère de la Solidarité d'un côté, des affaires sociales, et puis on essaie d'appeler la compagnie électricité gaz. Et là Bernard, vous avez peut-être du nouveau. Oui Julien, pour Manuel, la nouvelle est intéressante. Il dépendant de Engie Suez, qui est le nouveau groupe depuis 2007. J'ai eu carrément l'assistante Lucie du du président, M. Gérard Mestrallet. Ils nous ont promis de nous appeler avant 11h, car ils sont extrêmement touchés de cette situation. Manuel ne peut pas nous parler, il est en dialyse ce matin. Ça, c'est le premier gros cas. Et puis, il y a un deuxième cas de solidarité, d'urgence, en tout cas, que nous avons lancé la semaine dernière. Eh bien, nous allons avoir du nouveau avec cette histoire de voiture, cette pauvre famille, 6 enfants. Alors, pas pauvre, c'est génial d'avoir 6 enfants, mais la pauvre, ils sont surendettés, un mari handicapé. Vous avez reçu ce cas, d'ailleurs, Maître Novakovic, il vous avait contacté, vous nous avez tout de suite alerté. Oui, tout à fait, tout de suite, je vous ai alerté, parce que je trouve ça extrêmement triste. Il faut les aider, c'est vraiment dramatique. Mais le fort de cette émission, c'est que la tristesse, on la transforme en joie. En joie et en bonheur. Dans quelques instants, je vous dis exactement ce qui s'est passé, mesdames et messieurs, sur l'antenne d'RTL. Si vous le voulez bien, restez avec nous pour en savoir plus. Et n'oubliez pas qu'en appelant le 3210, nous pouvons régler tous vos problèmes. Victime d'une aberration administrative, plombier, garagiste, dentiste, chirurgien esthétique, animateur télé, quel que soit votre problème, allez-y. A tout de suite sur votre radio RTL. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché. Et oui, c'est parti pour 4 semaines. Pour l'achat d'un filet de pommes de terre de consommation bon marché plaisir à 2,49€, le deuxième filet est 100% remboursé sur votre carte de fidélité. Mais c'est seulement jusqu'à demain. C'est ça l'anniversaire Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Origine France, catégorie 1, calibre 50-70. Filet de 5 kg, soit 50 centimes le kilo. Modalité et magasin participant sur intermarché.com. RTL présente Renault Phoenix Tour. Renault en tournée dans toute la France, en concert du 11 au 15 octobre et du 25 au 29 octobre au Zénith de Paris La Villette. Infos et réservations sur backline.fr, dans les points de vente habituels et sur RTL.fr. Renault Phoenix Tour, depuis toujours avec RTL. Avec France 2. Où va le monde? Quel est le sens de la vie? L'œuf ou la poule? On a le temps de se poser d'autres questions quand on sait quelle voiture choisir. Citroën C1 Live à partir de 8 690€ avec ses 3,46 m, aide au démarrage en pente et feu diurnal LED. Dépêchez-vous, c'est en ce moment. Oui, mais barbe ou moustache? Citroën. Offre sous conditions de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, valable jusqu'au 31 octobre. Détails sur carstore.citroën.fr. Découvrez une nouvelle enquête de l'inspecteur Higgins, La malédiction de Toutankhamon. L'inspecteur Higgins de Christian Jacques, un personnage irrésistible au cœur de Scotland Yard. Une série palpitante, J-Edition XO. XO, lire pour le plaisir. Chez Cogedim, nos mètres carrés sont si bien investis qu'ils prennent de la valeur. Il y a le mètre carré qui rend heureux. Le mètre carré que l'on n'oublie jamais. Le mètre carré un peu bruyant. Et surtout le mètre carré plein d'avenir. Oui, il faut se projeter un peu. Jusqu'au 20 octobre, chez Cogedim, nous vous offrons jusqu'à 3 mètres carrés pour donner encore plus de valeur à l'achat de votre appartement neuf. Vous verrez la différence. Cogedim. Plus d'informations sur mètrecarré-cogedim.com. Offre soumise à condition. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Petite parenthèse avant de parler de la voiture et de ce cas solidarité. Marie, vous êtes toujours avec le ministère des Affaires Sociales. On doit vous trouver un interlocuteur pour le cas du monsieur dialysé. Et vous attendez depuis combien de temps, mon petit? Eh ben, ça fait plus de 20 minutes, Julien, avec cette charmante musique d'attente. Écoutons-la. Nous demandons de bien vouloir patienter. 20 minutes qu'ils nous cherchent un interlocuteur. Alors peut-être qu'ils sont dans une phase où ils vont en recruter un, parce qu'ils n'en ont pas sous la main. Ils sont en train de passer des entretiens de recrutement et on en aura dans quelques instants. Bon, mais continuez, patientez. Et puis pour toutes les fois où vous avez fait poireauter des hommes au téléphone qui voulaient passer la soirée avec vous, ça vous fait un petit peu les pieds de savoir ce que ressentent les gens. C'est moche de se venger comme ça. Marie-Christine est passée hier. Voilà ce que nous a dit Marie-Christine sur l'antenne d'RTL. On n'a pas beaucoup de moyens. On a emprunté de l'argent à notre famille pour acheter une voiture. On vit à la campagne, on a 6 enfants à charge. Ce véhicule a commencé à tomber en panne au bout de 2 jours. Le vendeur ne veut rien savoir. Donc, elle a acheté... Elle est en ligne, Marie-Christine? Oui, bonjour, Julien. Bonjour, madame Marie-Christine. Monsieur Courbet, l'appareil. Bonjour. Je vous embrasse. Marie-Christine, vous avez acheté cette voiture à un particulier. Monsieur Fernandez, à Brive, Jao, qui, on l'a appelé, mais il nous avait dit, je ne peux pas vous parler. Peut-être qu'on le rappellera à l'occasion. Cette voiture, donc, c'est la Cata, la boîte de vitesse qui est complètement HS juste après. Et je rappelle que vous êtes 6 enfants, un mari handicapé, et il vous faut emmener les enfants à l'école et tout ça, à 8 dans la petite Twingo. Ce qui est interdit d'ailleurs. Vous faites plusieurs allers-retours, bien sûr. Tout à fait. Le garage qui a constaté que la boîte était AHS est le garage Dominique Rosicon. Garage Rosicon Thomas, pardon. Donc, dans un premier temps, on a lancé un appel à la solidarité. Et là, on tombe sur un auditeur extraordinaire qui nous dit « Je donne une voiture. J'en ai une. Voilà, j'ai connu la galère. Je la donne. » Le problème, c'est qu'on apprend après qu'il nous l'ait donnée que vous avez besoin d'une voiture automatique. J'avais pas pensé à vous poser la question, puisque votre mari est handicapé. Donc, du coup, on se retrouve avec une voiture boîte manuelle, il nous faut une automatique. Là, monsieur Rosicon, qui a la voiture chez lui pour l'instant, puisqu'elle ne bouge plus, nous dit, bon, ben voilà ce que je fais. Je prends la main d'œuvre à ma charge, je change tout, et c'est beaucoup d'heures, hein, une boîte de vitesse, mais il me faut une boîte automatique d'occasion, on avait donné le modèle. Il fallait une fameuse MB1-033. Eh bien, nous sommes en ligne avec Frédéric. Frédéric qui a un garage qui est situé à Vancourt, dans le Pas-de-Calais. Bonjour Frédéric. Bonjour Julien. Frédéric, votre garage s'appelle Négoce Auto. Il y en a plein de Négoce Auto. Vous... Ça n'a rien à voir avec le Négoce Auto 80 d'aventure. Hein. D'ailleurs, on va parler d'un autre Négoce Auto dans quelques instants, malheureusement. Ouais. Pas pour annoncer des bonnes nouvelles, mais vous, le vote, pour qu'il n'y ait pas de confusion, le Négoce Auto est situé à Vancourt. À quelle adresse exactement? Sur la route nationale 39. Dans le Pas-de-Calais, dans le Hauts-de-France. Qu'avez-vous à nous annoncer? Alors, j'ai entendu le témoignage de Marie-Christine hier qui m'a beaucoup touché. J'ai rapidement regardé si on avait cette boîte de vitesse en stock. On l'a. Donc, elle est déjà partie. Elle est partie par Express ce matin. Ouais. Et nous faisons un plaisir d'offrir une boîte de vitesse à Marie-Christine. Eh bien, c'est formidable. Donc, on a la boîte de vitesse. Est-ce qu'on a monsieur Rosicon qui est en ligne? Thomas? Allô? Bonjour Julien, bonjour toute l'équipe. Donc, monsieur Rosicon, vous allez recevoir en express une boîte de vitesse. Vous la montez? Oui, je vous la monte, au plus vite, pour que ces gens puissent récupérer leur véhicule et continuer un peu leur vie tranquille. Marie-Christine, avez-vous entendu? Alors, je remercie les deux personnes beaucoup pour cette aide. Trois. Il y a celui quand même qui a donné la voiture, qu'il ne faudrait pas oublier, qui est juste, je voudrais qu'on donne son nom, qui est juste extraordinaire, mais je ne l'ai pas sous le nez. Alors, oui, Alain Hazard. C'est formidable. Oui, malheureusement, pour les voitures données, on a eu 3-4 auditeurs qui voulaient donner des voitures. Là, c'est directement une boîte de vitesse qui part sans voiture. Ah, que je suis bête, c'est mais non. C'est plus rapide. C'est vrai, on récupère pas la voiture. Donc, merci à l'auditeur qui l'a proposé, puisqu'elle va garder sa propre voiture, on va changer la boîte de vitesse. Vous avez raison, merci Alain. Bon, Marie-Christine, voilà, dès que vous avez la voiture, vous nous envoyez une petite photo au volant, oui, qu'on puisse mettre ça sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver, et je voudrais que tout le monde ici applaudisse des bienfaiteurs, des gens comme on les aime, qui devraient faire de la politique, tiens, parce qu'avec eux les problèmes peut-être s'arrangeraient. Monsieur Rosicon au garage Rosicon Thomas, qui est à Saint-Hilaire-Pérou, et monsieur de Négoce Auto à Vancourt, route nationale. Quel est votre nom, monsieur? Frédéric Scott. Eh bien, bravo à tous les deux. Vous avez une statue. Juste, dites-moi. Bien, une petite chose. Si le garagiste découvre d'autres pièces défectueuses au démontage ou au remontage, on se fera un plaisir de les offrir. Vous êtes fantastique. Voilà. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Bravo à tous les auditeurs. Oui, Marie-Christine. Je voudrais remercier toute votre équipe. Ils ont été formidables avec nous. Et merci à ce monsieur, surtout, de pouvoir nous aider. Parce que c'est surtout pour nos enfants. Au moins, on va pouvoir en profiter, nos enfants. Je remercie tout le monde. Eh bien, merci Marie-Christine. C'est merci, top. Bravo, merci. Les gars. Bravo. Merci. Vous pouvez être fiers de vous. Beaucoup. Quand vous vous regarderez dans la glace ce soir, vous verrez deux hommes fantastiques. C'est l'esprit RTL, c'est l'essence d'RTL, ce que vous venez d'écouter. Et c'est à 9h30 tous les matins, 9h30, 11h, nous vous aidons. Et voilà, on y va, on discute et on arrive à trouver des solutions. Alors pas toujours, parce qu'apparemment, Marie me fait des grands signes. Je suppose qu'elle va me parler du ministère des Affaires Sociales. Mais c'est presque un signe de victoire. On va voir le directeur général de la cohésion sociale dans quelques instants à l'antenne. Génial. Parfait. Et comme ça, et vous savez quoi? En attendant, demandez-lui s'il connaît le nouveau titre des Frérots de la Vega. Je suis sûr qu'ils adorent ça. Ben oui, ministère des Affaires Sociales, on chante souvent ça. Il s'agit à l'instant du cœur éléphant, les Frérots de la Vega sur RTL. Au-delà des orages, je pars en voyage. Mon âme en vent, le cœur éléphant. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie. Être vivant, énormément. Sur un rocher, se laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie, aimer les gens énormément. Sur les épaules des géants, le cœur éléphant. cœur éléphant. Des orages, je pars en voyage, mon âme au vent, le cœur éléphant. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie, être vivant. Le cœur éléphant. Je leur laisse le cœur, je récupère la trompe. Nous allons dire merci aux frérots de la Vega, c'était très intéressant, oui, une très belle chanson, et qui a généré en plus un commentaire de ma part, tout à fait remarquable. Oui, on va dire ça. Puisqu'on est... J'aime bien parce que elle ne me regarde même plus, Maître Malkovich. Elle est désespérée. Dégoûté, oui, oui, oui, c'est ça, on va dire ça. Oui. Justement, puisqu'on est dans la solidarité, mes amis, grande nouvelle. Vous vous rappelez de l'émission où on refaisait les maisons de gens qui dormaient dans leur voiture, oui, parce qu'ils s'étaient fait arnaquer ou il y avait eu un accident de vie? Ça va revenir. Donc, vous connaissez une famille qui se trouve dans l'incapacité de terminer les travaux de sa maison suite à un événement inattendu, accident, maladie, drame, dépôt de bilan du constructeur. Vous pouvez contacter un numéro. On va vous remettre ça sur Facebook dans quelques instants. Sur la page, ça peut vous arriver. Vous faites le 01 85 73 14 80, 01 85 73 14 80. Un petit point info sur les cas en cours depuis ce matin. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Manuel, cas désespéré. Manuel sans électricité, sans gaz, dialysé, presque 90 ans. Les repas ne lui sont plus servis d'après ce qu'il nous dit. Après avoir été basé par le service CCAS Paul Senior des Lilas, nous attendons toujours que le cabinet du maire veuille bien prendre contact avec nous. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Monsieur Daniel Guiraud, merci de nous tenir au courant. Pendant ce temps-là, Bernard Sabat a pu avoir le service électricité. Cité Gaz, où en sommes-nous? Écoutez, nous attendons toujours le contact de Lucie, l'assistante du président Gérard Mestrallet, qui doit nous rappeler avant 11h pour nous annoncer, j'espère, une nouvelle intéressante. Il lui faut du gaz, il lui faut de l'électricité, il lui faut Serpa. Je pense qu'on doit pouvoir faire ça en 2016. Et RTL, c'est là pour vous tenir au courant. On en saura plus dans quelques instants. Le cas, l'autre cas, celui de Guy qui fait construire un mur. J'ai fait construire un mur par un artisan. Ce mur commence à s'écrouler. Je l'ai dit, je l'ai écrit à l'artisan, mais il s'en moque. Comme j'ai plusieurs gros chiens, j'ai peur qu'ils ne s'échappent et qu'ils aillent terroriser les villageois. 17 000 euros le mur, il s'écroule au bout de 2 ans. Et il a des canets corso qui ne sont pas des chiens méchants, mais qui peuvent faire peur parce qu'ils sont super massocs. Par contre, c'est des nounours, hein, les canets corso. C'est comme les labradors. Ah, si, ils sont très sympas. Mais enfin, ils ont une telle stature qu'ils peuvent effrayer quelqu'un. Donc, l'artisan, aucune nouvelle pour l'instant. On continue d'appeler Daniel et lui, décoration tout style. Que se passe-t-il au niveau de l'alerte? Le ministère des Affaires Sociales, Julien, vient de nous passer le directeur général de la cohésion, Monsieur Vincent. Monsieur Vincent, m'accordez-vous une petite minute et je vous prends sur l'antenne. Très bien. C'est très gentil à vous. Merci au ministère des Affaires Sociales. À tout de suite sur RTL. RTL. Pour le magique anniversaire de But, venez gagner votre cadeau. Le grand jeu 100% gagnant n'est pas fini. Moi, on me dit ça, j'y cours. But, c'est nous. Jeu gratuit sans obligation d'achat, voire modalité en magasin et sur but.fr. Comment je fais pour avoir de beaux cheveux dans tous mes films? C'est un secret de star. Bon, ok, je vous le dis. Mon secret s'appelle Vitalitis. Vitalitis, toute une gamme de shampoings et de soins pour que vos cheveux soient toujours au top. Alors faites comme moi, demandez les produits Vitalitis à votre coiffeur. Silence plateau, s'il vous plaît. Vitalitis. Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc, pour participer au super jeu et gagner des centaines de bons d'achat. À chaque passage en caisse, à partir de 25 euros, ou pour l'achat de 3 produits partenaires, vous recevez une carte à gratter pour tenter de remporter 5, 10 ou 20 euros en bons d'achat et 50 euros en e-carte cadeau Leclerc. C'est ça, le super jeu Leclerc. Mon héros. Du 20 septembre au 29 octobre, venez et participez au super jeu Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants. À l'attaque et vive les super pouvoirs d'achat! Avec Comme J'aime, j'ai perdu 12 kilos en 3 mois. Le déclic, c'est ma maman en fait qui a démarré le régime Comme J'aime. Ma maman a perdu 10 kilos. Ce qui m'a plu, c'est que donc les plats déjà sont tout prêts. J'ai plus qu'à le mettre au micro-ondes et en 2 minutes, je peux manger. De plus, on mange de tout. Vous aussi perdez vos kilos avec Comme J'aime. Profitez d'une réduction immédiate de 45%. 0800 507 507. 0800 507 507. Conditions de l'offre par téléphone, appel gratuit depuis un fixe. Éveille-toi, Paris. Ouvre les yeux à la lumière de nos phares. Admire le spectacle métallisé. Oui, Paris. Éveille-toi. Chérie, tu fais quoi, là? Oh, je me prépare pour le mondial de l'automobile. Je vis l'automobile, moi. Je me sens déjà à Paris, porte de Versailles. Allez, vivez l'automobile! Mondial de l'automobile, du 1er au 16 octobre, de 10h à 20h. Nocturne les jeudis et vendredis jusqu'à 22h. Plus d'informations sur mondialautomobile.com. Quand on est propriétaire de fenêtres, on cherche le meilleur prestataire de fenêtres. Et on trouve son bonheur sur terre de fenêtres. Prix fabricant, garantie 20 ans, pose certifiée. Pour ses portes, fenêtres, volets ou portails, forcément, on choisit la qualité Terre de Fenêtres. Terre de Fenêtres, le choix qui va de soi. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. En direct, 10h22, nous avons le ministère des Affaires Sociales pour tenter d'aider, je vous le rappelle, cet auditeur Manuel le pauvre qui n'a plus d'électricité, plus de gaz et plus les repas servis. Bonjour monsieur, soyez le bienvenu sur l'antenne d'RTL et merci de nous parler aussi rapidement. Je pense que Marie vous a exposé le cas. Oui, tout à fait, alors, monsieur Courbet. Alors on voulait juste savoir comment le ministère des Affaires Sociales, et déjà première question, est-ce que le ministère des Affaires Sociales a la possibilité dans ces cas-là d'intervenir d'une manière ou d'une autre ? Alors le ministère des Affaires Sociales n'est pas directement compétent quand il y a un problème entre une personne qui est abonnée à des fournisseurs d'énergie et ses sociétés. En revanche, compte tenu de l'état de santé de monsieur Mascarel, compte tenu du fait qu'il est dialysé et qu'il bénéficie d'une prise en charge en matière de santé, sommes très attentifs à ce que toutes les conditions puissent être réunies pour qu'il puisse recevoir les soins effectivement auxquels il a droit et dont il a besoin. En matière d'énergie, il y a la possibilité de saisir le médiateur de l'énergie et je ne sais pas si ça a été fait dans le cas de Manuel Mascarel. Apparemment oui, mais nous ce qui nous inquiète c'est que c'est depuis le 12 août, vous vous rendez compte, avoir quasiment 90 ans, être dialysé 3 fois par semaine depuis le 12 août et vivre sans eau et sans électricité et les repas apparemment qui seraient plus distribués, enfin je veux dire à un moment donné il va y avoir une catastrophe et on va tous se regarder en se disant personne n'a rien pu faire. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers vous, parce qu'on s'est dit peut-être qu'il y a une action d'urgence à faire, ou peut-être que donner un coup de fil vous-même aux différents services, à la mairie, parce qu'à la mairie, ça je peux le comprendre, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais ils n'ont pas envie de nous parler, nous raccrochonner, mais peut-être que vous, en plus je crois que vous êtes de la même famille politique, pourriez-vous appeler le maire des Lilas, M. Daniel Guiraud, pour qu'il puisse faire quelque chose et faire avancer ce dossier? Alors écoutez, nous sommes tout à fait prêts au niveau de la Direction Générale de la Cohésion Sociale du ministère des Affaires Sociales à aider au règlement de ce dossier, parce qu'il faut effectivement que ça ne dure pas. Depuis le 10 août, ça fait vraiment trop longtemps que cette personne ne peut pas vivre dans des conditions normales ou dignes dans son logement. Le ministère des Affaires Sociales essaye de promouvoir la médiation dès lors qu'il y a des impayés. Nous sommes en train d'expérimenter des points conseils budget. Il y en a en Ile-de-France. Nous allons regarder en Seine-Saint-Denis, si nous ne pouvons pas faire intervenir effectivement cette médiation, en lien évidemment avec la ville des Lilas, pour qu'on puisse trouver une solution d'abord dans l'urgence pour rétablir effectivement l'électricité et l'eau, et ensuite il faudra voir s'il y a une dette, un étalement des remboursements pour que effectivement M. Mascarel puisse régulariser, je dirais, sa situation. Mais en tout cas, nous allons intervenir dès aujourd'hui en lien avec la ville et le Centre communal d'action sociale, faire intervenir une médiation, le cas échéant, s'il y a un litige sur le paiement des factures, okay, pour que ça soit rétabli. C'est très super. Vite. Vous et pouvez... ensuite, on va prendre en charge la situation pour qu'elle soit stabilisée dans la durée, parce qu'il ne faut pas que ça recoupe bien sûr. Dans un mois. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait se reparler début de semaine prochaine? On est quoi, mercredi? Si vous avez du nouveau d'ici là, vous nous rappelez. Sinon, on se donne un rendez-vous téléphonique lundi. Je vous donnerai des nouvelles. Et si super. Vous voulez qu'on fasse un point téléphonique, moi, je serai à votre génial. Disposition. Eh bien, c'est très sympa. Social. Vous nous redonnez un peu le moral dans ce dossier. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Bonne journée. Oui. Marie, bonne journée, vous récupérez ce monsieur. Vous donnez les coordonnées de l'émission à ce monsieur. Voilà, c'est pas, il va pas faire de miracle, mais en tout cas, je pense que quand un ministre appelle, peut-être qu'on l'écoute un peu plus attentivement que quand c'est un animateur. Oui, Sarah, que se passe-t-il? Il y a une alerte. Un rebondissement, Julien. Je viens d'avoir le service presse d'Engie, les personnes que j'avais eues déjà hors antenne et que sûrement Bernard a eues aussi. Oui. Elle m'a expliqué qu'effectivement, depuis le 22 septembre, accrochez-vous bien, ils ont envoyé une demande justement d'échéancier, enfin une solution au centre social, qui n'a jamais répondu. Donc aujourd'hui, on va peut-être travailler d'une autre façon, finalement. C'est-à-dire qu'elle elle demande juste à notre auditeur Manuel un engagement écrit. Donc on va l'accompagner avec le docteur de famille, il n'y a pas de souci. À partir du moment où ils reçoivent ce document, les équipes se déplacent. Tout est remis en place, Julien, donc je m'en occupe cet après-midi sans faute. Non mais ce qu'on va faire, c'est que demain, en direct, quelqu'un va aller là-bas à la mairie avec le papier en question, on va le faire signer et on va faire en sorte. C'est ça qu'il faut. C'est Manuel qui va nous le signer, Julien, je m'en occupe personnellement. Plus besoin de la mairie. On n'a plus besoin de la mairie. Plus besoin du centre social, c'est terminé. Enfin, vu comment ils nous ont reçus, tant mieux, parce si on avait eu besoin d'eux, on aurait été bien embêtés. C'est juste incroyable. Alors, attention à vérifier. Ça, c'est ce que dit Angie. Angie dit, on a demandé au centre CCAL, Paul Senior, Centre Communal d'Action Sociale des Lilas, de nous envoyer un échéancier ou quoi que ce soit, et ils disent ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas répondu, ils sont formels. Bah, c'est pour ça que vraiment j'aimerais avoir M. Daniel Guiraud de la mairie des Lilas, parce que là, quand on entend ça, il y a quand même... Et encore une fois, pourquoi moi j'aime beaucoup cette émission, parce que c'est le fossé qu'il y a entre la politique... Vous savez, j'ai entendu l'appel de la France. La France a besoin d'une politique sociale. La France a besoin... Voilà, encore des mots, rien que des mots, toujours les mots. Et en réalité, sur le terrain, et après, il se tue à nous dire dans les émissions de télé, mais moi, je suis sur le terrain, monsieur Calvi. Je suis sur le terrain, madame Rutel-Krieff. Je vois bien. Et bien, sur le terrain, il se passe... que dalle dans des cas comme celui-ci. Surtout qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant, on n'arrête pas de les appeler, donc aujourd'hui c'est vraiment pénible. Et c'est pour ça que les gens se désintéressent malheureusement de la politique, parce qu'ils voient bien qu'entre ce qu'ils entendent dans les émissions, pour le pipeau et la réalité du terrain, y a un fossé. Ils se désintéressent. Pour être tout à fait juste quand même avec le CCAS, nous savons qu'en août il y a une médiation qui a été recherchée, mais qui n'a pas pu aboutir et on n'a jamais pu comprendre pourquoi. Ah oui. Puisque le dialogue est totalement interrompu avec le CCAS. Tout ce que j'ai dit, c'est pas précisément sur cette histoire de CCAS, c'est en règle générale. Je veux dire, voilà, quand on est sur le terrain qu'il y a un problème, personne n'est capable de le régler, vous vous rendez compte, d'un monsieur comme ça, alors que c'est quand même assez simple. Et puis après, il y a les grands discours. La preuve, c'était très simple, il suffisait d'accepter un échéancier, apparemment. Maître Novakovic est avec nous. Attention, les dossiers continuent. Le Money Time va arriver, c'est les cas qui arrivent. Faites-moi juste écouter Kevin. Kevin, c'est un autre cas assez incroyable sur lequel on revient. J'ai un véhicule que j'ai payé 7 499 €. Au bout de 4 mois, il tombe en panne. Le professionnel m'envoie chez un petit garagiste partenaire qui établit un devis. Il y en a pour 1 048 € de réparation. Depuis, le professionnel ne veut rien savoir. En rebondissement, hors notre rebondissement. À suivre sur RTL. Qui fait mieux que Conforama ? Ce week-end, du 30 septembre au 2 octobre, Conforama vous offre 50 € en bon d'achat par tranche, 300 € d'achat sur tout le magasin. 50 € offerts ce week-end ! Eh oui, ça nous fait plaisir de vous faire plaisir. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Bon d'achat valable sur le meuble et la déco, hors cuisine. Voir conditions sur conforama.fr. Vous êtes artisan ou conjoint d'artisan ? Du 1er au 14 octobre, vous élirez vos représentants à la Chambre de métiers et de l'artisanat. Votez pour les candidats de l'UPA. Ils défendront à 100% les intérêts de votre entreprise. Retrouvez-nous sur upa.fr. L'artisanat, c'est nous. Votez UPA. Bonjour, c'est Benjamin Castaldi. Jiffy fête ses 35 ans et nous fait gagner 35 millions d'euros. Tu télécharges l'appli Bravo Loto 100% gratuite, tu joues et tu gagnes. Je sais, j'ai déjà gagné. Chanceuse. Combien ? 250 € de bon d'achat sans condition. Et il y a aussi le jackpot minimum de 10 000 euros en cash tous les soirs. Jouer en téléchargeant l'appli Bravo Loto 100% gratuite. Voir règlement sur jiffy.fr. Jiffy, des idées de génie. MAF Assurance, bonjour. Oui, bonjour Miss MAF. Alors, moins cher. Mais encore. Encore moins cher, mon assurance auto. Impossible, bien sûr. Pas du tout. Si vous choisissez Clic MAF Auto sur MAF.fr pour votre assurance auto, c'est 15% moins cher. Clic MAF Auto et claque, moins 15%. Avec Clic MAF Auto, oui. Oh, Miss MAF, vous me resterez toujours très très cher. Efficace et pas cher, c'est la MAF.fr. Et l'écart moyen de tarif entre le contrat Clic MAF Auto et le contrat Auto MAF. Contrat consultable sur MAF.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le 9h30-11h avec cette histoire de voiture qui revient dans quelques instants après avoir écouté ce grand standard RTL. Car les problèmes se règlent aussi en musique avec cette musique française que vous aimez et que l'on vous diffuse chaque jour. Les standards sont là, les nouveautés sont là, la musique fait partie intégrante de votre vie avec RTL. Il est 10h30, je vous souhaite le plus beau des mercredis. Souvenir, Alain Bachung sur RTL. Je fais mon footing au milieu des algues et des coraux. Et je fais mes pompes sur les restes d'un vieux cargo. Je dis bonjour, faut bien que je me mouille. C'est ma dernière surprise partie, je m'écrase le nez au hublot. J'ai mon contrat de confiance lancé. salaud qu'il faut, j'ai du bol. J'en vois un qui rigole. Laissez tourner le disque, car arrive cette maxime, cette phrase qui a toujours été ma ligne de conduite. Car je le dis tous les soirs à ma femme en rentrant. Alors à quoi ça sert la frite si t'as pas les moules? Ça sert à quoi le cochonnet si t'as pas les boules? Et je peux vous dire qu'après 18 ans de mariage, elle n'a toujours pas la réponse. Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, passer à ce cas voiture. Le cas voiture, je le rappelle, c'est le cas de Kevin qui est en ligne avec nous. Bonjour Kevin. Oui, bonjour. Kevin, vous avez acheté une voiture chez un professionnel au prix de 7 499 €. Ce véhicule est tombé en panne en juin 2016. Devis effectué par un garage qui travaille en collaboration avec le professionnel vendeur et qui vous informe que les bielles sont HS. Maître de commande nous avait dit qu'effectivement des bielles HS, c'est quand même très grave. Le professionnel ne veut pas prendre en charge le prix des réparations, 1 048 €, malgré la garantie de conformité de 2 ans, puisque lui, il estime qu'il avait fait une garantie, qui est la garantie normale, et que c'était après. Mais il oublie, et beaucoup oublie qu'il y a cette fameuse garantie de conformité. Oui, exactement. Pour les véhicules d'occasion, elle est de 6 mois à compter de la livraison du véhicule. Et tous les défauts qui apparaissent sont censés avoir existé avant la vente. On n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit quand on est consommateur. C'est au garagiste d'en faire son affaire. Donc c'est une facilité extraordinaire que nous a donnée le législateur. Nous avons donc parlé de ce cas lundi et nous avions appelé et malheureusement il ne pouvait pas nous répondre car il était en rendez-vous. En est-on, Sarah ? Je pense que son rendez-vous a duré plus tard que prévu, puisque je n'ai jamais eu de nouvelles. Malheureusement, il faut savoir que je l'ai rappelé 2-3 fois quand même. Hein. Eh bien, nous allons l'appeler maintenant et lui poser la question que tout le monde se pose. Alors, à quoi ça sert la frite si t'as pas les moules? Ça sert à quoi le cochonnet si t'as pas les boules? On va bien voir ce qu'il va nous dire. C'est très parti, intellectuel, Marie. Tout ça. Oui, tout à fait. Je sais que vous aimez beaucoup ça. Alors, voyez, il s'appelle Négos Auto, mais rien à voir, rien avec le bienfaiteur tout à l'heure. Qui va envoyer des pièces à cette dame qui va pouvoir, avec son mari handicapé et ses 6 enfants, pouvoir emmener les petits à l'école et partout où elle voudra les emmener. Ça, c'en est un autre qui se trouve à Laoussoy. Comment vous prononcez, Kevin? Laoussoy. Laoussoy. Bon, malheureusement, il répond pas. Voilà. Bah, vous inquiétez pas, Kevin. Bon, déjà, on a trois numéros, mais bon, je pense qu'il doit écouter, il doit savoir. Moi, j'aimerais bien discuter avec lui, avec monsieur Hafid El Hamdi Alaoui. Donc, pour pas qu'il y ait de confusion, Hafid, H-A-F-I-D, L-E-L, plus loin, A-H-A-M-D-I, plus loin, Alaoui. A-L-A-O-U-I. Ça me fait penser au t-shirt Peter Alaoui de La Vérité si je mens. Bon, ça, il faut avoir vu le film, sinon on comprend pas. Allô ? Oui ? Oui, Hafid, Julien Courbet à l'appareil. Oui, bonjour. Bonjour, pardon de vous déranger, Hafid. On essaie de voir comment on peut régler le problème de Kevin tous ensemble. Donc, vous restez sur votre... Vous savez qu'il y a la fameuse garantie de conformité de 2 ans et que s'il va devant un tribunal, c'est ça qui va faire jouer, qu'il y a quand même beaucoup de chances pour que les deux, ils laissent des plumes. On peut pas trouver un petit accord ? Ah, on avait trouvé l'accord. Alors, c'était quoi l'accord ? Comme si on a été rejoint lundi matin. Ah, bah alors, écoutez, alors, il y avait un accord samedi matin, Sarah ? Lundi matin. Oui, alors qu'est-ce qu'on s'est dit lundi matin ? Bah, qu'il me ramenait le véhicule, que je lui mettais un moteur avec une garantie 6 mois et qu'il payait la manœuvre comme prévu. D'accord. Ah, ben peut-être qu'effectivement. Alors, ça, c'est toujours OK, ça, pour vous, monsieur ? Alors, je suis désolé si ça a été dit, je le prends sur moi. Kevin, vous étiez. On a dit ça lundi ? Oui, on avait dit ça, oui, lundi, oui. Eh bien, vous lui avez ramené la voiture ? J'allais le contacter aujourd'hui, justement, mais comme j'avais eu votre équipe qui m'avait laissé un message hier, comme quoi je repassais aujourd'hui... D'accord. Bah, écoutez, on voulait juste... Alors, écoutez, je suis désolé, monsieur, mais alors, ça peut arriver, on a tellement de cas. Bravo, donc il peut vous l'amener quand ? Prenons le rendez-vous, maintenant. Bah, plutôt, aujourd'hui. Ah, bah, génial. Il peut vous l'apporter aujourd'hui ? Non, je travaille jusqu'à 20h. Donc, ce sera demain. Demain. Bravo, négoce. Parfait. D'ailleurs, beaucoup de chance avec les négoces autour. Écoutez, monsieur Alaoui, merci. On se tient au courant. Je suis désolé, mais voyez, deux bonnes nouvelles valent mieux qu'une. Je vous souhaite une belle journée. Merci, vous d'avoir. À bientôt. À tout de suite sur l'antenne d'RTL. Nous allons nous retrouver dans quelques instants et nous allons continuer avec le Money Time. Attendre des nouvelles de différents dossiers. On aura aussi Patricia. Patricia, qui a un petit accent américain. J'ai loué ma maison à 2 personnes pour une 15aine de jours. Je suis passée par un site, on a abîmé ma baignoire, l'eau s'écoule à travers et il y en a pour 4 500 € de dégâts. Qu'est-ce que j'aimerais rencontrer ? Vous aussi, Xavier Kassovitch, notre technicien réalisateur. On est très porté sur les voix. Mais ça, c'est parce qu'on est des hommes de radio. Et c'est vrai qu'une femme qui te parle comme ça, qui met les le à la place des là, etc. J'adore. A tout de suite sur RTL. Au fait, chérie, j'ai raflé la portière de ta voiture. Quoi ? Mais... Ah, sinon, goûte-moi cette nouvelle tablette pure origine Équateur de chez Réauté Chocolat. Après tout, c'est qu'une portière, hein ? Découvrez-vous aussi l'effet Réauté Chocolat avec une nouvelle gamme de tablettes à partir de 2,95€. Réauté Chocolat, fabricant chocolatier. Pour votre santé, bougez plus. Michel Drucker, pour la première fois sur scène. J'avais cette envie depuis longtemps d'être seul avec vous l'espace d'une soirée pour évoquer mes souvenirs. 50 ans de carrière, rendez-vous compte, cette longévité qui n'en finit pas de m'étonner. Je vais vous raconter les coulisses, l'envers du décor. J'espère vous surprendre, vous émouvoir, mais aussi vous faire rire. Michel Drucker, au Bouffe Parisien à partir du 1er octobre. Avec RTL. Avec Comme J'aime, j'ai perdu 12 kilos en 3 mois. Le déclic, c'est ma maman, en fait, qui a démarré le régime Comme J'aime. Ma maman a perdu 10 kilos. Ce qui m'a plu, c'est que donc les plats déjà sont tout prêts. J'ai plus qu'à le mettre au micro-ondes et en 2 minutes, je peux manger. De plus, on mange de tout. Vous aussi perdez vos kilos avec Comme J'aime. Profitez d'une réduction immédiate de 45%. 0800 507 507. 0800 507 507. Conditions de l'offre par téléphone, appel gratuit depuis un fixe. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Nous allons lancer Patricia, si vous le voulez bien, qui est sur l'antenne d'RTL avec nous. Patricia, bonjour. Bonjour. Alors Patricia, ce petit accent américain vient donc, je suppose, de votre pays de naissance ? Absolument, oui, Julien. Et de... what is the town ? Oh, the town, you don't speak English, you speak Spanish. Colombie. I am in the mer. non, vous êtes né dans quelle ville, je voulais dire, là-bas ? Je suis né en Colombie. Ah, en Colombie ! C'est un accent colombien, je crois que c'est un accent américain. Absolument. Ça, c'est l'accent colombien, d'accord. En juin dernier, donc, vous louez pour une 15aine de jours votre maison d'hôte à Versailles à 2 personnes avec leur chien via une célèbre plateforme communautaire. Mais vous leur louez une chambre ? Ou vous leur louez la maison en entière ? Non, j'ai 2 appartements que je loue. D'accord. Qui sont à la journée, à la semaine, par des plateformes, type cette grosse plateforme qui m'ignore depuis que les dégâts ont été faits. Bon, alors là, vous découvrez en rentrant qu'il y a une large fissure dans la baignoire qui n'existait pas lorsque vous avez loué. Et du coup, l'eau s'écoule à travers et ça va causer, au bout d'un moment, une fuite. D'ailleurs, vous ne vous en servez plus, je suppose, de la baignoire. Vous avez fait faire un devis pour estimer le coût de la réparation. Il faut changer la baignoire. Il y en a pour 4 500 €. Elle n'est pas réparable. C'était une grande baignoire. Et normalement, sur ce site, Maître Felloneau, je crois qu'on l'a déjà traité, il y a une assurance et on garantit qu'en cas de casse, l'assurance joue. Voilà, c'est l'assurance dégâts que pourraient subir les propriétaires qui louent, par l'intermédiaire de cette plateforme, leur appartement. Alors Patricia, elle, c'est pas son appartement hein, qu'elle a loué, ce sont deux suites magnifiques d'ailleurs qu'elle offre à ses clients. Elle a fait les travaux récemment, c'est absolument nickel, comme vous aimez le dire. Et il y a eu un état des lieux à l'entrée et à la sortie, le client n'a pas eu le temps de le faire. Il est monté dans son taxi en disant « Ciao, bye bye », c'était très bien. Et en fait, de très bien, effectivement, il y a une fissure dans cette salle de bain, dans cette baignoire. L'eau coule, on ne peut plus s'en servir. Et figurez-vous que cet organisme, en tout cas l'assurance de cet organisme, lui dit « On ne prend pas en charge ». Mais c'est sans motivation. Et c'est ça que nous avons comme mission, c'est « Pourquoi ?». Allez, vous allez m'aider, Maître Novakovic. Nous appelons maintenant le service client de ce grand site où vous mettez vos appartements à louer. On en a fait un il n'y a pas très longtemps. Exactement. Où ils avaient tout cassé à l'intérieur. Oui. Je crois que vous aviez réussi à obtenir 8000. Oui, c'est ça, Julien. Ils avaient vraiment saccagé la péniche. Ils avaient envoyé les documents nécessaires et c'était 8000 € d'indemnité. Voilà, alors là, je ne vois pas pourquoi on ne lui changerait pas la baignoire. Si dans l'état des lieux, la baignoire était en... était bien, qu'est-ce qui se passe, Maître Novakovic? Je vous montre juste le devis de réparation. C'est quand même. Il faut s'échanger la baignoire. Voilà. C'est très très lourd, c'est plus de 4 000 € quand même. Mais c'est pour ça d'ailleurs, je pense que ça traîne. Est-ce que ça sonne? Est-ce que ça parle du côté de ce site que vous connaissez bien, Airbnb? Bah oui, c'est connu. Vous avez déjà loué votre maison? Non. Nous sommes impatients de vous parler. Veuillez noter que cet appel peut être enregistré. Nous sommes impatients de vous parler, c'est génial. Si votre numéro n'est pas reconnu au bout de la troisième tentative, merci de rester en ligne et vous serez automatiquement redirigé vers notre service client. Ouais. Veuillez entrer le numéro de téléphone. Allez-y, Marie, récupérez l'appel. Profil Airbnb. Alors, je ne sais pas si elle l'a, Marie. Vu la tête qu'elle fait, à mon avis, non. Parce que quand elle a entendu la question, je peux vous dire qu'elle s'est décomposée. Vous inquiétez pas, Patricia. Hein. La dernière fois, ça s'est traduit par un duplex. Donc, on doit avoir un contact. Mais là, on fait les mêmes numéros que font les auditeurs d'RTL. Écoutez, là, on va relancer une dernière fois. Je veux que vous précipitiez pour le gagner. C'est le MacBook Pro. Je vous rappelle que vous gagnez ce MacBook Pro d'une valeur de 1 300 €. C'est un 13 pouces. Vous faites 3210 touche numéro 2 puis touche numéro 1 ou vous faites RTL au 74 900. Dès qu'il y aura la réponse, il y aura l'alerte, bien évidemment, la fameuse alerte que vous connaissez. La voici, l'alerte, et là on va s'écouter une petite nouveauté, mais alors celle-ci vous allez l'adorer. Ça s'appelle Here I Am et c'est Tom O'Dell qui revient sur RTL. Regardez ça, on dirait du Vladimir Kosma, on dirait la boum, on dirait l'étudiant. J'adore quand le piano résonne comme ça. Ça me met de bonne humeur et ça m'aide à régler vos affaires. Avec toute mon équipe, 3210, quel que soit votre problème, Facebook, la page, ça peut vous arriver. I thought I was over you. I'd put out the flame. Said tonight would be different. I wouldn't need to play a game. I walked past your tower block. Saw a flick in the blinds. I said tonight would be different. And night I'd walk on by. But here I am, running up the seventh floor, knocking the 11th door. I'm a sick of trying. I'm a sick of trying. Prisoner, and I've broken my chains. That I could be anyone, I'd run a thousand miles away. And I imagined America, somewhere far, someplace where the memories they couldn't come. direct avec Airbnb, Marie. Il y a quelqu'un en ligne, Julien, qui vient de répondre. Bonjour, Airbnb. Bonjour. Je suis bien, Julien Courbet. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Je me permets de vous appeler car j'ai une de vos clientes qui a eu un petit souci avec des locataires qui lui ont cassé la baignoire. Elle a pas trop de nouvelles et elle comptait un peu sur nous pour faire accélérer un peu les choses. Et comme vous êtes des gens sérieux, on lui a dit quand on va les appeler, vous allez voir, ils vont regarder le dossier tout de suite. Est-ce que je peux vous repasser Marie qui est avec nous dans l'équipe, qu'elle vous explique exactement de qui il s'agit, les numéros et tout ça. Ou vous avez-vous tout sous les yeux là? Vous avez peut-être tout sous les yeux ? Non, malheureusement, non. Je n'ai pas le numéro du dossier. Donc, il vous faut quoi exactement ? Alors, est-ce que je pourrais avoir ce numéro du téléphone ? Le numéro de téléphone. Allez, donnez-le en antenne, Marie, s'il vous plaît. Vous donnez le numéro de téléphone à cette dame, le numéro de la réservation. Mais là, j'ai l'impression que cette dame a quelqu'un à côté, qu'elle traduit un peu. On connaît la musique. Je vais vous raconter très rapidement la fois où ça doit dater d'il y a 10 ans. Il n'y a que moi qui m'en rappelle, en plus, dans l'équipe, j'en suis sûr. Nous avions appelé un notaire et nous avions eu l'assistante. Et bonjour, madame. Julien Courbet à l'appareil. Pourrais-je avoir maître machin ? Ne quittez pas. Donc là, on entend au loin... Attends, il y a Julien Courbet. Oui. Je suis pas là. Oui, monsieur Courbet, il n'est pas là aujourd'hui. Voilà, ça c'est une anecdote qui ne fait rire personne, mais que j'ai toujours plaisir à me remémorer. Bon, allez, dans une seconde, le MacBook Pro, vite, vous pouvez le gagner. Dépêchez-vous, 3210, touche numéro 2, puis encore numéro 1, ou SMS RTL au 74 900. Écoutez-moi bien, là, le standard... Vous avez peut-être une possibilité de nous joindre. Je peux pas vous en dire plus. Si vous faites le 3210 et vous nous dites que vous avez un problème, par exemple, un dentiste, un chirurgien esthétique, tout ça. Vous êtes tombé sur un plombier ou un garagiste sans scrupule, ou un animateur de télé sans scrupule, ça peut arriver. On est tous dans le même panier, vous savez, un avocat sans scrupule, un notaire sans scrupule, tous. Vous rêviez d'un voyage, il s'est transformé en cauchemar. 3210, vous avez des photos ou Facebook, la page, ça peut vous arriver. On vous attend pour régler vos problèmes et ça marche. Marie. Juste pour vous dire qu'Airbnb ne veut pas nous parler à nous. Donc je leur ai passé Patricia directement, ouais. Mais le souci c'est qu'elle ne veut pas parler à Patricia directement sur notre ligne, donc elle va la rappeler pour avancer sur le dossier. Ok Patricia, il devrait vous parler, vous me parlez d'ici 11h, sinon on fera comme la dernière fois, on ira faire du Airbnb chez Airbnb, nous nous déplacerons et nous irons en duplex demain s'il n'y a pas de nouveau. Ici, c'est fou que les gens ne veulent plus communiquer avec moi. Je vais finir seul avec mon chien qui me dévorera. Vous verrez, parce que les gens ne veulent plus me parler. Et là, je vous assure. Heureusement, il y a encore le public qui est là. Et d'ailleurs, la toute dernière de l'actuel One Man Show, après, il n'y en aura plus, puisqu'on va démarrer un tout nouveau One Man Show avec RTL à partir de janvier, 100% nouveau. J'en fais une. C'est en Bretagne. Vous connaissez la Bretagne, Maître Novakovic ? Oui, bien sûr. Voilà. Eh bien, c'est dans une ville de Bretagne. Je meuble parce que j'ai oublié le nom. Je suis désolé, mais c'était, je vais vous le dire, hein, parce que je suis pas complètement couillon, hein, j'ai quand même passé Argentré du Plessis. C'est le 15 octobre, c'est la toute dernière, un samedi soir. Ami Breton, j'arrive! Qui fait mieux que Conforama? Ce week-end, du 30 septembre au 2 octobre, Conforama vous offre 50 euros en bon d'achat par tranche de 300 euros d'achat sur tout le magasin. 50 euros offerts ce week-end! Eh oui, ça nous fait plaisir de vous faire plaisir. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Bon d'achat valable sur le meuble et la déco, hors cuisine. Voir conditions sur conforama.fr. Jiffy, des idées de génie. Bonjour, c'est Benjamin Castaldi. Étonnant, pour les 35 ans de Jiffy, Jiffy nous fait gagner 35 millions d'euros. Oui, oui, 35 millions d'euros à gagner. C'est simple, c'est gratuit, tu joues, tu gagnes et surtout, n'oubliez pas de me remercier. Jiffy, des idées de génie. Jouez en téléchargeant l'appli Bravo Loto, 100% gratuite. Voir règlement sur jiffy.fr. Le cri, c'est le terrifiant thriller de Nicolas Beugley. Hôpital psychiatrique de Gaustad, Oslo. Un patient est retrouvé étranglé dans sa cellule, la bouche ouverte dans un hurlement muet. C'est le début d'une gigantesque enquête criminelle. Et ce mystère angoissant a-t-on fait de la peur une arme de mort? Le cri de Nicolas Beugley, un livre XO. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Où en est-on du côté de Airbnb ? Ils discutent toujours ensemble, ma chère petite Marie. Alors, ils ont raccroché et ils rappellent Patricia sur son numéro de téléphone. Peut-être avez-vous vous-même vécu... Alors, je sais qu'il y en a plein qui vivent des aventures très heureuses avec Airbnb, mais peut-être que vous aussi vous êtes arrivé parce que la péniche était impressionnante. Le type était rentré chez lui. Enfin, le type, l'auditeur, je dis le type, c'est une façon de parler, mais c'est un ami. Le monsieur sympathique était rentré chez lui. La péniche était dévastée. Quand vous rentrez en vous disant... Il y avait une grosse fête. Ils avaient tout cassé. Donc, si s'il vous arrive la même chose, vous faites le 32-10 tout de suite. Pourquoi vous ricanez comme ça, Marie ? Rien. Non, mais c'est la péniche impressionnante. Vous savez, j'ai des collègues très drôles. Ah, d'accord. Voilà. Ils ont fait une blague, péniche, je suppose, c'est ça ? Je n'ai pas c'est compris, Bernard Sabat, ça. Moi, je rigole à toutes les blagues. Non, on a coupé, monsieur, on a coupé. Allez, nous allons maintenant faire le point info. Il s'est passé plein de choses dans l'émission et ce n'est pas fini. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. J'aimerais que nos amis se rappellent qu'on fait une opération d'urgence avec Manuel, qui a quasiment 90 ans. Je rappelle que Manuel est dialysé 3 fois par semaine. On lui a coupé le gaz, on lui a coupé l'électricité. Il ne reçoit pas les repas. On essaie de se battre avec la mairie des Lilas. On nous a basé complètement là-bas. On a appelé le ministère des Affaires Sociales. Et finalement, où en est-on ? Je crois que la compagnie électricité, visiblement, a appelé pour dire « Sarah, on va faire ça directement parce que ça traîne trop ». C'est ça exactement. Nous étions avec Bernard, avec ce service-là, qui nous a expliqué que finalement, on va voir directement sans le centre social. On va demander à Manuel de faire une attestation et ils vont se déplacer pour tout remettre en ordre normalement. Vous avez dit exactement, on écoutera ça tout à l'heure. Nous avons eu Guy. Alors Guy, on bloque. Guy, c'est son mur, il l'a fait construire. Il a 15 chiens qui sont gentils, mais il n'a pas envie que les chiens quittent la propriété. En plus, il a d'autres animaux, une chèvre, un cheval. Il n'a pas envie que ça soit l'arche de Noé dans le village. Le mur, au bout de 2 ans, alors qu'il a coûté plus de 10 000 euros, je crois quelque chose comme 17 000, est en train de s'écrouler. Aucune nouvelle. Nous lançons donc le porte-voix. Monsieur Daniel Éluy de Décoration Tout Style en Meurthe-et-Moselle à Jarny 54 800. Merci beaucoup de nous rappeler qu'on essaie de régler ce problème en discutant tranquillement. Vous qui êtes, je crois, d'après l'adresse de la société, au 6 rue Mathieu Dombasle à Jarny. Allez, réglons le problème de mur. S'il s'écroule, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a fait Marie-Christine. Marie-Christine, sa voiture, la Twingo, qui avait la boîte de vitesse complètement HS. On a trouvé des bienfaiteurs. Dominique Rosicon, garagiste, va changer l'embrayage assez frais pour la main-d'œuvre. Et on a eu un autre monsieur, Négoce Auto 62 à Vancourt, Pas-de-Calais, qui lui va fournir le matos. Ils sont extraordinaires, Marie-Christine est contente. Et là, on est sur Airbnb. Et Airbnb, et ben voilà, on va attendre. Demain matin, il y aura le feuilleton, je suppose, à 9h30. Vous allez avoir du nouveau de cette histoire de baignoire cassée par un client Airbnb. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire, Maître Novakovic, d'ailleurs, si Airbnb ne fait rien ? Elle doit signer, demander effectivement au juge de proximité de condamner la partie adverse, il y en a pour moins de 5000 euros. Ben oui. Enfin, non, même pas, il y en a pour plus, que je dis n'importe quoi, faites trêve d'instance, parce qu'il y en a pour plus de 4000 euros, il y en a pour 4000 joies de vie, 4492 euros. Donc, c'est trêve d'instance pour demander la condamnation et même des dommages et intérêts, parce que vraiment, il y a une mauvaise foi, une résistance abusive. Alors, il y a une petite règle d'or, je voulais que Maître Novakovic vous la fasse sur un tout autre dossier, mais qui est très très important, parce que c'est les dossiers que l'on traite le plus dans l'émission. La règle d'or. Sur RTL. On dit souvent, Maître Novakovic, les gars, parce qu'on parle comme ça à nos amis auditeurs, les gars, faites attention, quand vous prenez un travail d'artisan, il faut qu'il soit assuré, et on ne prend pas le temps. Et maintenant, il y a une loi qui va les obliger. Oui, Julien, et c'est une loi de juin 2014, on ne le sait pas assez. Désormais, les auto-entrepreneurs et les artisans doivent impérativement annexer leurs devis et factures, systématiquement les coordonnées de leur assureur et l'étendue géographique effectivement de la garantie. Ça, c'est très important, et donc maintenant que c'est contractuel, c'est obligatoire, ça va vraiment protéger nos auditeurs, et tant mieux. Merci, Maître Novakovic. Et maintenant, offrons un MacBook Pro à l'un ou l'une d'entre vous. Tirez au sort, vous qui avez joué. Je pense que ça va faire un heureux matériel indispensable d'avoir son petit portable maintenant pour regarder la télé. Sur l'ordinateur portable, on va chercher l'information sur Internet. C'est la folie. Attention, ça devrait arriver. Ça va sonner. Qui va répondre ? J'en sais rien. C'est tiré au sort. Je le découvre en même temps que vous. Vous savez quoi ? C'est vous qui allez parler, Maître Novakovic. Vous allez dire, il faut rendre l'argent tout de suite, madame. Est-ce que vous faites toute la journée, vous pouvez faire problème. Il faut demander, tous les aiment mes fesses. Comme pardon elle, comme la allô classe. Oui, bonjour, vous êtes Karine ? Oui. Vous devez impérativement rendre l'argent. Ah, bonjour, c'est voilà. Vous rendez compte comme vous faites peur aux gens. Oh, le bide. Ah, j'en ai connu des bides dans ma vie, mais celui-ci est extraordinaire. Non, mais alors, je suis reconnaissable, tant pis, ma voix. Bon. Karine, vous êtes en Vendée ? Oui. Karine, là, vous êtes... Je m'appelle pas de vous. Vous êtes secrétaire ? Oui, tout à fait. Karine, vous voulez un bel ordinateur ? Oui ! Le plus beau de tous ! Eh bien, je vous envoie le MacBook Pro 13 pouces ! Oh, merci ! d'une valeur de 1 300 €. C'était Brigitte Bardot, la bonne réponse, bien content, sûr. Ah bah moi aussi, c'est super. Qu'est-ce que vous faites, vous, sur vous allez sur internet un peu vous acheter vos chaussures là-bas? Ah non. Eh ben, alors, vous allez vous y mettre. J'ai tout ce qui Apple. Ouais. Mais j'achète en magasin. Eh ben voilà, elle a l'Apple, maintenant elle a tout ce qu'il faut. Vous avez l'iPhone, vous allez pouvoir le brancher, oui, tout oui, va bien. Oui. Ben, je suis ravi. Gros bisous Karine. Merci beaucoup, bisous merci à tous. Au revoir. Les enfants, demain 9h30, tout ce qui n'a pas avancé aujourd'hui va avancer. On va voir s'il convient même de faire certains duplex. Pour d'autres cas, renvoyer notre artisan devant le mur, The Wall des Pink Floyd. Il faut avancer sur tous ces dossiers, donc vous écoutez tous les jours pour savoir ce qui s'est passé la veille. Allez, on va se retrouver dans quelques instants sur RTL. Vous êtes artisan ou conjoint d'artisan? Du 1er au 14 octobre, vous élirez vos représentants à la Chambre de métiers et de l'artisanat. Votez pour les candidats de l'UPA. Ils défendront à 100% les intérêts de votre entreprise. Retrouvez-nous sur upa.fr. L'artisanat, c'est nous. Votez UPA. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, là c'est pas bon. Ah, pour Lidl? Mais non patron, pour nous, ils lancent une gamme de produits bio. Des œufs, des yaourts, du lait, la totale quoi. Bah mais du coup, les prix sont aussi bio. Ah bah non, hein, ça vaut vraiment le coup. En ce moment par exemple, l'huile d'olive vierge extra et bio est à 3,59€ les 50 centilitres. C'est les salades. Ah bah non patron, l'huile d'olive bio vierge extra à 3,59€, eh bah c'est le vrai prix. Oh, on est mal, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 7,18€ le litre. Offre valable jusqu'au mardi 4 octobre. Pour votre santé, évitez de grignoter. Qu'est-ce que le bonheur? L'univers a-t-il un commencement? Juillet ou août? On a le temps de se poser d'autres questions quand on sait quelle voiture choisir. Citroën C3 Vitamine à partir de 9 990€ avec moteur PureTech, climatisation et radio CD MP3. Dépêchez-vous, c'est en ce moment. Oui, mais pile ou face? Citroën. Offre sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, valable jusqu'au 31 octobre dans la limite des stocks disponibles. Détails sur carstore.citroën.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et mesdames et messieurs, ce matin, j'ai passé 4 disques. Ouais. Merci, parce que hier, je me suis bien fait engueuler, on en a passé que 2, c'est normal. Merci à toute l'équipe, merci à vous Nathalie, merci Maître Nokovic, merci Sarah, et voici maintenant notre Stéphane Bernadoré. Bonjour mon cher Julien, oui je suis en compagnie de deux garçons, deux frères, Igor et Grishka Bogdanov. Super. Qui nous promettent plein de nouvelles créations pour l'avenir. En fait on va vivre avec des merveilles technologiques, vous pouvez même pas imaginer. Nous allons plonger dans un autre univers. Ah oui, ça c'est le Bernator, le cyberanimateur historien. Merci Stéphane, bonne émission. Merci, Julien, bonne journée à vous. Bogdanov sont les invités de Stéphane Bern. On se retrouve demain 9h30 en direct pour le grand feuilleton sur la radio que vous préférez. J'ai nommé RTL. Il est 11h. L'information sur RTL, Alexandre de Saint-Aignan. Rebonjour Alexandre. Rebonjour Julien, bonjour à tous. Les hommages se multiplient après la mort de Shimon Peres, l'ancien président israélien mort dans la nuit à l'âge de 93 ans. Il a travaillé sans relâche pour une solution à deux États dans le conflit israélo-palestinien. Déclaration du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Shimon Peres avait reçu le prix Nobel de la paix en 94. Ses obsèques auront lieu vendredi et de nombreux chefs d'État seront présents. Barack Obama, François Hollande, le prince Charles ou encore le pape François. En Turquie, après la tentative de coup d'État ratée le 15 juillet dernier, environ 32 000 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête. Selon le ministère turc de la Justice, d'autres arrestations pourraient avoir lieu. Retour en France, le ministre de l'Économie et des Finances, Michel Sapin, a présenté ce matin le budget de l'État pour l'an prochain et le gouvernement desserre un peu la ceinture. 7,4 milliards d'euros de dépenses en plus par rapport à cette année, notamment pour financer la lutte contre le terrorisme. Malgré cela, le déficit budgétaire de l'État devrait légèrement baisser. La loi de finances confirme également l'arrivée du prélèvement à la source en 2018, une mesure historique selon Michel Sapin. Au tribunal de Bobigny, le deuxième jour du procès des salariés d'Air France aujourd'hui dans l'affaire de la chemise arrachée, des dégradations et des violences commises l'année dernière à Roissy contre la direction de la compagnie aérienne. Le tribunal va entendre les plaidoiries aujourd'hui et le réquisitoire du procureur. Faites-vous dépanner, pas arnaquer. Ça pourrait être le titre d'une émission de Julien Courbet. Mais non, c'est la nouvelle campagne de prévention du gouvernement contre les pratiques déloyales dans le dépannage à domicile. Une porte bloquée, une fuite d'eau, la situation est urgente et certains professionnels peu scrupuleux en profitent avec des devis parfois hallucinant. Pour s'en protéger, quelques conseils: se méfier d'abord des prospectus, demander les tarifs avant réparation et toujours demander un devis. RTL vous pose la question ce matin. Avez-vous déjà été arnaqué lors d'un dépannage à domicile? Coup de fil au 3210, SMS au 64 900, code parole, et bien sur notre site internet rtl.fr. On attend vos réponses et vous pourrez en discuter dans RTL Midi avec Christelle Robière et Vincent Parisot. Votre soirée football, la suite de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Les Parisiens se déplacent en Bulgarie ce soir pour affronter Ludogorets. Hier soir, Monaco a arraché le match nul, un partout contre Leverkusen. Le club du Rocher reste en tête de son groupe. De son côté, Lyon perd son leadership après sa défaite 1-0 face à Séville. La météo de ce mercredi, c'est une belle journée avec des nuages qui s'éclaircissent progressivement sur le nord-ouest pour laisser place à du soleil sur tout le pays. Côté température, ça va grimper cet après-midi entre 19 et 29 degrés. Il fera 23 à Lille, 24 à Biarritz, 25 à Paris, 29 à Montpellier. Les courses, elles ont lieu aujourd'hui au Mont-Saint-Michel, 18 partants, les pronostics de Bernard Glace, le 8, le 14, le 9, le 12, le 17, le 4, le 15, le 6 et la dernière minute, c'est le numéro 12, Topaz Jeff. Vous êtes bien sur RTL, il est 11h passé de 3 minutes. Tout de suite, Stéphane Bern et toute son équipe pour À la bonne heure. Absolument, merci beaucoup Alexandre de Saint-Aignan qu'on retrouve avec plaisir à midi pour un nouveau point sur l'actualité. Mais nous sommes dans À la bonne heure avec nos invités Igor et Grishka Bogdanov pour le livre des merveilles technologiques. Bonjour, je vais vous présenter dans un instant, mais d'abord je vous présente mes petits camarades à la une. Comme tous les mercredis, le héros et le salaud de la semaine, c'est Stéphane Blakowski qui les a trouvés. Ah. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous, bonjour Stéphane. Cette semaine, un ignoble salopard, un serial killer comme on dit aux États-Unis. Ah super. Plus de 100 morts pour sur la conscience. Ah oui, bien. Ah, vous imaginez, vous avez hâte de savoir. Qui est son nom? Juste après le journal de midi, la marque du maillot Régis Maillot aujourd'hui va aborder un sujet très grave, c'est la pénibilité au travail. Oui. Et nous on souffre. Dans certaines professions, très précises. Et aussi une étude que nous a révélée le Parisien aujourd'hui en France sur ce qu'on fait en voiture, à part rouler. Ah. On ne fait pas que conduire. Oui, les femmes se maquillent. On les voit où. Et les hommes, il y a des hommes qui se rasent. Oui, qui se maquillent aussi, j'en ai vu. Et on chante. Mais comment on se rase au volant? Bon, je vais pas la faire. On a le droit. On a le temps d'oublier d'expliquer. Il risque d'y avoir du grabuge dans ce studio vers 11h50, l'heure du zapping télé d'Éric Dussard. Bonjour, bonjour à tous. Ça sent le règlement de compte. Vous osez encore me parler? Pourquoi? Vous osez encore me parler après ce que vous nous avez fait hier soir, Stéphane? J'ai fait quoi? Vous nous avez fait honte sur France. Il a raconté, mais alors, obscénité sur obscénité. Non. Avec son copain Nagui, là, dans Tout le monde joue pour la France, une horreur. Et Stéphane Bern a-t-il relevé le défi que nous lui avions lancé hier? Oui, j'ai dit la phrase. À moitié. En loose day. En sous-couche. Oui. On va entendre ça tout à l'heure. Bah. Vous allez en prendre pour